de radio. Vous écoutez Eau de radio. Sur 91.3. 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. On vous a préparé franchement une émission de ouf. Restez bien avec nous parce que ça va être du grand n'importe quoi et c'est encore trop fort là. Faudrait que tu baisses carrément en fait. Ah, t'as là, pas de casque, ta gazou? Eh non. Ah non, c'est stagiaire quoi. C'est stagiaire qui arrive comme ça. C'est intérieur la radio. Quoi, mais carrément. Je baisse encore? Ça devrait aller. Faut qu'on surveille, voir si ça explose pas. Ça devrait aller. De toute façon, je te dis. Carrément. Bon, bref, comme vous pouvez l'entendre, on est en direct. On est aussi en live sur Twitch, comme toutes les semaines. Twitch.tv/ La Voix du Geek. Coucou. La voix avec un E, comme ça on Bonjour. Est en image. Vous êtes avec nous dans les studios. Bonjour. Eh oui, parce que ce soir, c'est une spéciale belge, mesdames, messieurs. Ah, pour sûr. Ah, c'est sûr. Et on vous a préparé plein de conneries. Comme d'habitude, on va se faire les news jeux vidéo de la semaine. Et puis après ça va être du freestyle. Il y a plein de surprises. Oui. On attend un invité de dingue qui s'appelle Jackie Concord. Oh, putain, il est là. Ouais. Et ouais, carrément, ça fait quelques années qu'il est pas venu nous voir et franchement, vous allez voir, alors il est un peu spécial. On va vous expliquer pourquoi c'est une spéciale Belgique juste après, mais il est un peu spécial, il aime pas trop les Français. Alors va falloir pas vous inquiéter s'il est un peu sec comme mec. Mais voilà. Bon bref. N'hésitez pas dès maintenant à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. N'hésitez pas à tweeter, à Facebooker, à laisser des messages sur Twitch. Moi, je lirai tout. Vous êtes déjà quelques-uns, mais évidemment, l'écran est beaucoup trop loin pour mes petits yeux. Bref, en tout cas, j'ai mon téléphone, comme ça, il y a Twitter. Si vous tweetez, je pourrai vous lire en direct. Et ça, c'est quand même bien un fail, hein. C'est un truc de fou. Ça, c'est les Français nous ont volé l'idée. Et nous ont volé l'idée parce que c'est nous qu'on l'a inventé, le cuicui bleu. Bande d'enculés de Français. Mon Dieu. Bon bref, bon Jackie, de toute façon il arrivera tout à l'heure, il vient en mobylette à chaque fois, donc c'est une tannasse, on va peut-être l'entendre passer par la fenêtre. Bon bref, ce soir, émission spéciale Belgique, mesdames, messieurs, et pourquoi donc? Parce que notre goustique national s'en va dès demain, oui, dans le plat pays, pour un an. Le gitan belge. Il nous abandonne, c'est le terme. Et bien on va le présenter en dernier, rien que pour ça. Bon, je le mérite de toute façon, donc. T'es pas au bout de tes surprises, va. Et puis il y a Tagazou qui est là ce soir. Ouais, je suis heureux. Moi je lui faisais un ouais. Oh, la voix rocailleuse, quoi. Non, je suis content d'être là pour le départ de Goustique. T'es content que je me casse en fait, c'est ça? Oui, parce que je te remplace du coup et je suis hyper content. Attends, je t'ai fait une super, tu verras tout à l'heure, mais je t'ai fait une super lettre d'amour, d'adieu, ouais, okay, de merci. Carrément, c'est carrément gentil. Bon, ça va Tagazou, t'as joué à quoi toi cette semaine? Alors, Street encore une fois, parce que j'ai fait grosse soirée Street, des nuits blanches même dessus. T'as gagné? Et non, je suis toujours le plus mauvais joueur de Street de la communauté bordelaise, mais tu bon. Tu sais ce que c'est, hein, on voilà, s'est anticipé quoi. Et j'ai joué aussi à un jeu qui s'appelle Project Cross Zone 2. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est un jeu qui regroupe tous les persos de Namco Bandai, de Sega, de Capcom. Il y a donc Megaman, les gars de Street. Et franchement, il est pas mal. Mais c'est un jeu de combat? Non, c'est un RPG tactique. Ah, un délire. Voilà, donc c'est un peu... c'est du fanservice. Hein. Il y a du boobs, il y a un peu de... voilà. Il y a ça du what the fuck, hein, mais bon, c'est... Project Cross Zone 2 sur 3DS. Goustique note là. Voilà, Goustique vient de noter. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Alors on nous dit déjà sur le chat à poil Goustique, voilà. Ah oui, alors là, écoutez, là, faut payer. Oh, il finira à poil. Faut payer. Au poil. Faut payer. Alors tiens, rapidement, je fais coucou à Moumout, à Sgrog, à Bichoc, que je vois d'ici, c'est écrit en bleu, c'est chaud. Il y a l'amical du geek qui est là aussi, bisous à vous. Bisous. Et puis il y a Dandy qui est là ce soir, comment ça va mon poulet? Salut. Voilà, ça va. Cette boîte chaudasse. J'ai la mimole. Ça va très bien. C'est cool. Content d'être là aussi pour le petit départ du Goustique. Ouais. Alors, tu joues à quoi, toi, en ce moment? Ben, écoute, je me pose la question, justement, parce que je sais plus trop à quoi jouer. Ah oui? J'ai beaucoup tourné sur Rocket League. Et j'ai abandonné Rainbow Six parce que, visiblement, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières parce qu'il y a pas mal de tricheurs. Donc voilà, je vais pas y aller. Ah, vous avez pas fermé la porte là? Ah non. Ah bah ça c'est s'entend. Pas fermé. On a même entendu la sonnette de la porte de la radio qui est à l'autre c'est bout. C'est peut-être Jackie Concorde. Ah bah c'est peut-être Jackie Concorde qui arrive. Ouais. Alors il y a Eiki qui arrive là, c'est peut-être lui qui a sonné et puis Tagazou nous rejoint vers 20h. Tagazou, Kogu nous rejoint vers 20h. OK. Donc ouais voilà, petite semaine vidéo ludique on va dire. Là j'attends juste que finisse de télécharger sur PC alors un nouveau jeu FPS qui a l'air de défoncer tout, qui s'appelle Super Hot. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Non. Ah si, c'est en blanc et rouge. Ouais, c'est ça. Et ça a l'air hyper chaud, mais c'est un côté un peu défi et j'ai bien envie de me lancer dedans. Yes. Voilà. Bah écoute, tu nous en parleras dans l'émission. Et puis il est là, tu es venu nous rendre visite, il y a Raptou qui est là. Comment ça va mon poulet? Mais ça va. Ouais. Salut tout le monde. Yeah. Ça va, ça va. Bon, tu joues à quoi toi en ce moment? En ce moment, bah, Rocksmith. Je continue. Oui. Tous les jours, je fais ma petite session de guitare. Rappeur carrément. Santana. Et, tiens, il y a Iki qui est de l'autre côté. Ah ouais, mais faut quelqu'un à lui ouvrir. Oui. Je vais y aller. C'est pas okay, voilà, sinon non, je suis un peu sur WoW, voilà, je en mode Bah non, pas toi Goustique. Pas toi, non, j'y vais. En mode voilà. Une fois qu'on me dit ça, je fais pas grand-chose mais bon, je regarde les lives, je regarde la voix du geek de 9h enfin quand je me réveille, bah, jusqu'à 14h. Parce que nous on est là le matin. Ah tiens, il y a déjà un nouveau follower. Santa off, ou j'arrive pas à lire, c'est écrit en rouge, mais salut à toi, welcome. Bisous, voilà, bisous, t'as le droit au bisous. Et il est là. Je suis venu, je suis venu assister à la dernière de Gougou. Et oui, carrément, quand même. C'est bizarre, il y a plus de monde, hein, d'habitude. Ouais, c'est vrai que la table est remplie et là, on est plus que quatre. C'est son départ. Ah si, voilà, Iki. Ah. Le voilà, quoi. Le voilà. Allez. Tiens, bah, t'arrives pile poil. Dis bonjour. Bonjour. Alors, tu joues à quoi, toi, en ce moment? En ce moment, Borderlands The Pre-Sequel. Yeah. J'ai joué un peu toute la semaine. Et il est trop cool. Au début, j'avais pris Claptrap et ça m'avait pris la tête. Eh ouais, non mais bah, il est excellent. Mais Claptrap, oui, non mais attends. C'est, ça a tout Claptrap de la mauvaise blague. Quand on l'a fait avec Bibine et Kogu, genre je me dis tiens pour la vanne, je vais prendre Claptrap. Sauf que lui, son ultime, c'est il envoie n'importe quoi. Genre c'est, ouais, t'es un boss, tu envoies l'ultime, tu te retrouves avec une bouée canard et tu rebondis partout, ouais, dans tous les sens. Voilà, quoi. Puis même je sais pas au niveau de son gameplay, il était pas marrant. Du coup après ouais, c'est chaud. J'ai recommencé. Mon pote était niveau 13, mais il m'a rushé. J'ai pris la gladiatrice, qui est vachement plus ah, cool. Ah yes. Voilà. Et puis sinon c'est tout. Vous inquiétez pas, hein, je fais du je bricole. C'est vrai que tu fais de la canne à pêche quoi. Bah ouais, je vais pêcher des gros thons. Et puis il est là. Il est beau, il est magnifique. Notre Goustique national. Comment ça va mon poulet? Ah bah écoute, je suis hyper content de me casser d'ici. Non mais écoute, oui, ça va très bien. On est à 24 heures du départ, enfin moins de 24 heures. Et eh bien j'ai joué à des jeux vidéo. Oui. Et j'ai réussi. Enfin, okay. Ça y est, je l'ai terminé. Même, je l'ai platiné. Attention, oh là, jeudi à 3h22 du matin, j'ai platiné Sleeping Dogs. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Mais c'était mon deuxième platine. Bon, après Rocket League, c'était tellement easy, hein. Mais voilà, je suis fier de mes deux platines quand même. Non, mais t'as raison. À platiner les mondes ouverts, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, c'est long. Heureusement que t'étais là, heureusement que tout le monde était là, parce que sinon on l'a soutenu. Oui. Non mais ça fait plaisir. Je me rappelle une soirée ouais où on était en partie sur la play et chacun platinait de son côté son jeu. C'est vrai. C'est marrant Goustique quand il m'a dit bonjour aujourd'hui, il me l'a dit comme si j'étais un mec malade, c'est qu'il y avait le cancer et tout, parce qu'à partir du coup il m'a fait ça va. Non mais ça y est. Il est arrivé ça va. Il est là ce soir, mais il est déjà là-bas quoi. Tu vois, plus ou moins, ouais. Il a un pied là-bas, quoi. Ça y est, quoi. On est des petites gens maintenant. Oh, non, mais ça va. Mais mon cœur est en France, mais mon foie, il va être en Belgique. J'ai décidé de faire comme si c'était pas grave et de me dire, bah, de toute façon, je te verrai, tu reviendras. Ah, c'est parce que tu m'as dit la semaine dernière. Oui, ça va. Il prend l'avion demain, il est pas enterré non plus. J'ai fait mon deuil déjà. Voilà. La mise en bière est prévue pour demain. Et puis sinon, j'ai eu l'occasion de. Voilà, j'ai une coutume à chaque fois. J'ai revu des vieux potes, on se mate des nanars. Ah. Et là, on s'est dit, bon, c'est le dernier soir, est-ce qu'on se mate ce fameux film qui a fait plus de 10 millions d'entrées cette année avec Eve Adams, Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Alors, comment vous dire simplement. Alors, tu as vomi. Alors, au début, je me suis dit, bon, est-ce que ça mérite autant de polémiques, autant de lynchage envers ce film? Eh ben, oui. Je trouve que c'est pas assez. Non, mais c'est un film qui a de gros problèmes, surtout du côté d'Allociné. Oui. Avec le rachat de Webedia et tout, en fait, ils sont. Alors, il y a rien eu de plus, pas de procès ni que dalle. Mais a priori, ils ont vachement mis le film en avant, quoi. À supprimer les commentaires négatifs, à faire beaucoup de choses, tout rediriger vers Aladdin, quoi. Mais il y avait même Kev Adams qui avait posté un truc sur Facebook ou Twitter qui disait, ouais, mettez des étoiles sur Allociné pour que le film soit mieux. Non, mais je suis désolé, t'as fait de la merde, hein. Bah, donc ouais. Maintenant, non, voilà, et il est là ce soir. soir. Webedia, c'est un peu la tumeur de l'information française et j'espère qu'ils mourront un jour, vraiment. J'espère aussi. De tout mon cœur, quoi. Et, ouais. Et je trouve ça, mais c'est honteux. Oula, ça dénonce. Radio dénonce ce soir. Parti, ah, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je dénonce sans problème. Vraiment, Webedia, c'est horrible, c'est des vendus. C'est un problème en vrai, quoi. Non, mais clairement. Et ce film est une honte, mais une grosse honte du cinéma français. Enfin, c'est en fait, si tu veux, ils ont voulu faire un peu comme il y avait Mission Cléopâtre, c'est-à-dire prendre l'humour à la Canal+, tu vois, des nuls, des Robin des Bois. Mais sauf que quant à Kev Adams, ça marche pas. Donc ils ont pris que des nuls. Parce qu'il c'est lui qui écrit du coup. Oui, bah c'est vrai. Non, mais je pense qu'il a écrit. Il a écrit scénario encore 32 sur deux lignes parce que. Oui, mais il l'a écrit dans un Clairefontaine. À grand carreau. Attention, 96 pages. Non, le film est vraiment naze. Enfin, il y a. Il n'y a rien à retenir, même Jean-Paul Rouve, Michel Blanc. Si, après, il y a un truc à retenir, et c'est encore plus horrible comme ça, c'est que c'est une boîte française qui a fait les FX, et en plus, elle les fait bien. Ah ouais? Les effets spéciaux, du coup, voilà. Non, mais t'es sérieux? Il y a juste. Oui, alors, il y a juste un passage. Je te parle du passage en tapis volant. Ah, il est naze, le passage en tapis volant. Je sais juste que le studio derrière avait fait un réel boulot. Après, voilà, il y a une différence entre le studio qui fait les FX et ensuite les mecs qui font les FX sur le logiciel, tu vois. En tout cas, le studio dans lequel ils avaient fait les incrustations fond vert est un studio français qui s'est lancé tout juste et qui est vachement cool. Du coup, voilà, c'est le seul truc à retenir pour moi. Malheureusement, c'était une mauvaise pioche pour eux. Et ce qui m'attriste, c'est qu'il va y avoir une suite. C'est vrai. Ils ont prévu un Aladdin 2. Donc, voilà. Je comprends pas comment, quand tu prends un échec, tu peux vouloir reprendre un deuxième échec. Il a vachement marché, quoi. C'est qu'il a vachement marché. Et c'est que la semaine dernière, Kev Adams s'est invité dans Chez Ruquier. Il présentait un autre film. Ah oui, j'ai vu. Et apparemment, ça a sauvé le budget du cinéma français de l'année 2015. Oui, clairement. Ah, voilà. Kev Adams a sauvé, tous les films qu'il a fait, les Profs 2, Aladdin, ont tellement marché que grâce à ces deux films-là, il y a plein d'autres films français qui ont pu sortir. Voilà. Mais ce qui m'attriste, c'est que si ça a marché, Le samedi soir, tu regardes On n'est pas couché, quoi. Oui, mais c'est pour vous dire à quel point ma vie est devenue. Non, mais honnêtement, c'est la seule émission que je regarde. Après, le reste, je trouve que c'est merdique. Et enfin, c'est pas intellectuel. Oui, il y a encore des gens qui regardent la télé, quoi. Oui, ça existe. Non, mais voilà, le problème, du coup, ça vient pas forcément seulement de Kev Adams, mais aussi des gens qui vont voir leur film. Oui, mais alors après, on n'est pas du tout la cible. C'est les pré-ados. Ah, non, mais attends. Après, on va pas passer une heure, parce qu'on a du pas sur la planche ce soir. On va pas passer une heure sur Aladdin. On fera une émission spéciale, si tu veux. Il y a pas de souci. Mais n'allez pas le voir. Parce que moi aussi, il faut que je vous parle de cinéma. Vas-y. Parce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui est passé à l'Utopia hier. Ah ouais, j'ai halluciné. Parce que moi aussi, j'ai eu une bonne petite semaine vidéoludique. J'ai platiné Far Cry Primal. On vous en parle la semaine prochaine. On va faire toute une émission sur Far Cry. Dans ton stream où je suis venu troller là, c'était vraiment le boss de fin? Peut-être bien, ouais. Putain, c'est de la merde. Mais voilà, depuis ce matin, depuis hier, je joue à Heavy Rain, je suis en train de le refaire, qui est très bon. Et je joue à Randall's Monday, c'est un petit jeu d'aventure qui est plein de références, un peu en bande dessinée, comme King Quest, pour ceux qui connaîtraient. C'est vraiment terrible, il coûte pas cher, il est vraiment terrible. Alors c'est assez chaud, mais il y a un système d'aide qui est vachement bien. À chaque fois que tu prends un aide, en fait, tu tues un chaton. Voilà, mais il y a des références partout, genre des références sur geek, sur le frigo du mec, il y a un papier avec écrit Tyler Gordon is not real. Oh, trop cool. Il y en a partout de trucs de cachet. Et surtout, hier soir, donc pour ceux qui connaîtraient mon ami Super Nico, son frère Noël fait du cinéma. Ah oui. Il fait du cinéma. Et récemment, hier soir il y a eu une projection à l'Utopia, un cinéma de Bordeaux, d'arrêt d'essai, entre guillemets, mais le film était déjà sorti précédemment, au Fémina par exemple. Et hier soir, il y avait une projection, j'ai été invité avec ma chérie, on y a été. C'est un film sur O2N, donc le groupe de rap bordelais, bourré de talent, voilà. Et donc en fait, Noël, lui, il a suivi le groupe O2N pendant un an et demi. Donc on voit la grosse salle parisienne. Zénith ? Non. L'Olympia, voilà. On voit l'Olympia, la préparation, on les voit aller à Berlin. D'ailleurs, le film s'appelle Subland, c'est le nom du studio berlinois qu'ils ont squatté pendant 5 mois. On voit tout ça. Et on voit comment ils ont préparé le concert gratuit qu'il y avait rue du Mirail à Bordeaux, soirs de suite. Et genre, on est dans le cinéma, écran géant, tout ça. Et puis genre, tu les vois, vas-y, on balance l'info sur Facebook. Donc c'est filmé un écran d'ordinateur en très gros, très gros plan. Et on voit, allez, si t'es chaud pour un concert gratuit demain, viens. Ok, on les voit cliquer sur publier. On les voit eux qui se disent putain, il y a déjà 800 likes et tout. Et on voit un très gros plan sur des commentaires. Et en gros, il y a écrit Jérémy Goustic Lopez. Oh oui, oh oui. Trop bien. On peut l'applaudir. Voilà, bravo. Merci. C'était une bonne surprise, hein, sur ce coup-là. Ouais, carrément. Et j'ai halluciné, quoi. Je suis sorti de la salle, je l'ai appelé. Je... Direct, ouais. Heureusement que le mec avait pas mis sur Facebook, je m'appelle Trou de Fion, tu vois. Ouais, non, mais on a halluciné. Parce que c'était genre, tu vois, un écran de cinéma, il y avait trois commentaires. Donc t'imagines la taille, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, c'était terrible. La classe. Voilà, bon, on a fait le tour. Restez bien avec nous, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. On va parler de la Belgique. Il y a Jackie Concorde qui vient nous voir. Ah, on Jackie. A plein de surprises. Ah, on va finir sur un karaoké de l'enfer. On a Tagazu qui nous a préparé un petit truc aussi. On a vraiment plein de choses. Et puis pour ceux qui se posent la question pourquoi Goustic s'en va, eh ben on en parlera après le Scud. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on s'écoute ? C'est Goustic qui a fait la sélection ce soir. Eh bien écoutez, c'est le haut du panier. On va s'écouter de la bonne musique. On va s'écouter Saper comme jamais de Maître Gims. Ah yes. Là, on va s'écouter Don't Stop Me Now de Queen. Voilà. Having a good time. Voilà. Exactement. Et après il y en a deux, et après hein. Aussi, on va s'écouter du Nelly Furtado. À 20h. Oui, avec Timbaland, et ça s'appelle Promiscuous Girl. Promiscuous Girl. Ça me rappelle mes années collège, ça, tu vois. Ah, bah c'est Goustic qui choisit. Ah, bah c'est de la bonne musique. Ah, c'est pour ça. Si, c'est bien. Non, je préfère Say It Right de Nelly Furtado et Timbaland. Mais... Timbaland, ouais. Et Timbaland. Timbaland. Un grand producteur de. Timbaland. Un grand producteur de marque. Allez, est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news ? Oui. Allez, c'est parti. J'envoie la musique des news et on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Allez, bah qui s'y colle ? Tiens, Tagazu, comment si tu veux ? Oui, moi j'ai une news 100% bordelaise qui va faire plaisir à notre ami Aiki, puisqu'il les adore. Je vais parler d'Asobo. Ah, est-ce qu'il recrute ? Non, me grille pas tout de suite. Non, c'est qu'il y a une grosse nouvelle pour. Enfin, ça va faire quand même des emplois au niveau de Bordeaux. C'est qu'ils ont fait deux jeux pour le HoloLens de Microsoft. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le HoloLens. Ah oui, HoloLens. C'est le casque de réalité virtuelle. C'est l'Oculus Rift, ouais. Ouais, enfin, plus de réalité virtuelle. Hein. C'est vraiment, là, tu joues pas, voilà, comme si t'étais le personnage, tu joues vraiment avec les décors de ton salon. Enfin, il y a une vidéo qui est très intéressante sur... Ah oui, ici, sur oui. Sur les internets. Oui. Il avait présenté à l'E3, je crois. Exactement. Et... Ouais, avec Minecraft. Ouais. C'était ouais. Hallucinant. Ouais, mais et par contre, ça risque pas de sortir tout de suite. Quoi. Nos amis d'Asobo vont faire deux jeux, donc dès le début, le line-up, voilà. Est-ce qu'ils vont faire Ratatouille sous HoloLens ? Oui, alors c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont fait Ratatouille, ouais, oui. Je les troll, alors, Fuel, voilà. Fuel était sympa quand même. Fuel, oui. Fuel était sympa. Fuel 2, on l'attend beaucoup. Après, je déteste pas Asobo, hein. C'est juste que. On va dire pour les auditeurs, voilà. Asobo, c'est le plus gros studio bordelais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont la réputation d'être un studio très fermé. Ouais. Dans l'idée. Voilà, donc c'est eux qui ont toutes les licences de Disney Pixar, donc Ratatouille, Wall-E et compagnie. Ils ont fait un jeu de bagnole très très bon sur ouais, PS3 ouais, et 360 bien. Qui s'appelle Fuel. Et ils font aussi les portages des jeux Monopoly. Voilà, vous savez tout. Et c'est un studio bordelais voilà, qui est mondialement connu, quoi. Et donc là, voilà. Ils vont faire deux jeux pour. Pour le prix d'un, mesdames, messieurs. Pour, de Microsoft, quand même. Alors, c'est quand même quelque chose, quand même. Important oui. Pour l'économie de la région, je trouve. Bah, en espérant surtout que les HoloLens marchent. Oui, voilà, c'est ça, j'ai un peu peur que. C'est bah après, que c'est très impressionnant. Pour l'instant, c'est 3 000 $ pour les programmateurs. Enfin, voilà. Ah, le kit de développement. Le kit de développement. Il y a déjà 3 jeux qui ont été présentés. Que le truc final, normalement. Quoi. Voilà. Ah oui. Ouais, bon, ça, c'est vrai. Mais ça présage du bon quand même. Oui, c'est sûr. Pour l'avenir. Allez, vas-y, Dandy. Alors, je vais vous parler d'une petite pépite qui a été découverte là il y a deux jours à peine. C'est quoi ma petite pépite ? Est-ce que ça vous parle si je vous dis Viva Ex Vivo ? Et vive le Portugal ! C'est une appli portugaise. Alors, en fait, c'est un jeu qui a été présenté là il y a quelques jours à peine, donc qui est compatible donc PS4 et PlayStation VR. C'est un jeu de survie microscopique. Alors, en fait, je vous explique le délire. En gros, on est comme une sorte de parasite. Et l'environnement dans lequel on progresse, c'est comment dire, c'est dans une vue microscopique. Donc tu te trimbales au milieu de globules rouges, au milieu de gènes, etc. Ah, c'est génial. Ça me rappelle un film des années 70. Mais c'est un peu comme le bus magique, tu vois, quand tu rentrais dans le truc, c'est pareil. Ça, et en fait, il y avait un film quand on était gamin, je sais pas si tu te rappelles. L'aventure intérieure. Exactement. Voilà. Où en fait, ils miniaturisaient des médecins dans un tout petit vaisseau et ils partaient dans les veines. Et tout. Bah, il était une fois l'homme, c'est le même délire aussi. Et oui, exactement. Je pensais ça m'avait choqué quand il se fait manger par une globule blanc, le mec. Oui. Ah ben, je l'ai vu ce film. Regardez l'aventure intérieure, c'est un et, très bon film. Et donc en fait c'est ça, on joue un petit parasite à l'intérieur d'un corps d'une créature, donc tu vois les globules rouges, etc. Mais t'as quand même des espèces de petits parasites, des fois des tumeurs, des trucs qui t'attaquent. Donc en fait ils ont dit clairement le but du jeu c'est d'explorer, d'absorber et de survivre. Alors ouais. Je sais pas exactement ce que ça donne, mais allez sur YouTube regarder la bande annonce. Je l'ai vu, c'est pas mal. Juste une petite question. Ils viennent de l'annoncer. Ouais. Parce que je regardais beaucoup No Life il y a 2 ans, il y avait exactement ce jeu-là. Non, là ça vient d'être annoncé. Ah ouais, non mais alors après c'est, enfin tu vois, tous les shoots et up que dans au niveau du contexte, à savoir t'es dans un corps, etc. Tu dois absorber les monstres plus gros, etc. Il y a un jeu qui est exactement comme ça, ouais, sur possible, le PSN, hein. Je crois. Mais j'irai voir. C'était pour te niquer ta news. Comme ça. J'attends la tienne. Comme ça quoi. Allez, vas-y, Goustique. Eh bien, comme vous savez, je suis un grand fan de Batman. C'est sa dernière news. Hein. J'attends. De quoi tu vas parler. J'attends avec de grande impatience Batman vs Superman, contrairement à Eiki. Eh bien, là, j'ai eu le gros smile en début de semaine. Parce que c'est quelque chose. Grâce à Monsieur Raptou, hein, je te fais plein de gros bisous, Kékette. Parce c'est que le seul mec, quand il ouvre le jeu, il regarde à droite. C'est ça. Non, moi, je le fais aussi. Non, non, mais ah ouais, c'est parce que voilà, Rocket League, c'est un de mes jeux préférés de l'année 2015. Ils ont fait Retour vers le futur. On a eu un pack Mad Max. On a eu un pack Fast and Furious aussi. Et bien là, mes prières ont été entendues. On aura la Batmobile dès le 8 mars prochain. Oui. En plus, elle fait un Batman en feu quand tu marques et tout. C'est quelle Batmobile? Ah ouais. C'est la Batmobile de Batman vs Superman. Superman. Ah. Alors attends, parce que ça gueule sur le chat que je le lis pas. Alors j'ai rapproché oula, l'écran du coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas censuré. Micro, à toi. Il a dit que l'écran était loin et qu'il avait pas ses lunettes pour voir de loin. Voilà. Et il y a Kogu, tiens, qui est sur le chat, au lieu d'être en route. Il fait, c'est quoi cette émission où on lit pas le chat? Hashtag honteux. Voilà, maintenant c'est réparé. Hashtag ramène-toi là aussi, Kogu, hein, donc on t'attend. Hein. Il a dit qu'il venait vers 20h. Hashtag retard. D'accord, pas de soucis. Donc, bon, en du tout coup, cas, pour 2€, dès le 8 mars prochain, vous pouvez vous procurer la Batmobile de tu Batman sais quoi, et Superman. Stick, pour ton départ, je vais te l'offrir. Ouais, oh. Bah alors en fait, une news aussi, c'est que en fait, là où je vais habiter, il y a une bonne connexion internet, mais il y a une vieille télé. Du coup, la PS4, on verra ça dans quelques mois, mais je vais l'acheter. Ouais, je vais ça l'acheter. Va, pour 100 balles, t'as un petit écran, ça va le faire. Oui, bah, je te l'offrirai quand même là-bas. Eh bah écoute, tu m'offriras. Faudrait que tu fasses attention, voilà. Parce que si t'achètes un écran là-bas, ça sera écran belge, hein, sur la télécommande. Hein. Des trucs pixelisés, quoi, le truc. Avec un fond d'écran d'iconec. Vous voulez régler la luminance de taille. La luminance. T'as l'option la juste luminance. Une fois. Donc allez, voilà. Vas-y, mais justement, moi, je vais revenir un peu, je vais faire le lien sur la news de Tagazu, parce que je vais vous parler des HoloLens également. Et est-ce que vous vous rappelez de Conquer? C'était cet écureuil qui reprenait oui. un peu Conquer. Il était déchiré, oui, oui, Conquer, oui. Il était déchiré, Conquer, non pardon. De quoi? Il était pas déchiré? Alors à la base non, c'est un jeu classique à la Mario 64. Après ils ont fait un jeu Conquer Bad Fur Day où là le mec était déchiré. Voilà, ouais, okay. Ouais, c'était ça, du ouais, plus ouais, 18 ouais. le jeu. Mais même okay. le premier il était déjà un peu sexuel sur les bords. Ouais, alors, ça, tu les... devais butiner une fleur, t'en demandais bien quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que bah après le magnifique du coup Bad Fur Day qu'ils avaient lancé il y a combien de temps? Oh, il y a ans, quelques années déjà, genre, voire plus. Ouais. Ils ont décidé d'en faire un nouveau sur les HoloLens qui s'appelle Young Conquer, donc le jeune Conquer. Et c'est pas du tout la même chose, étant donné que bah dedans il revêtit un nouveau skin un peu plus jeune, où en fait c'est clairement pour enfants au final. Et fait où, par Asobo, c'est un des deux jeux. Je crois que je l'ai fait par Asobo. On embrasse. Et on embrasse. Et voilà. Et je me demandais comment ça marche, parce que dans ce jeu-là, d'après les HoloLens, le personnage rebondit sur tes meubles. Comment ah. tu fais ah, quand sympa. Tes meubles ne se prêtent pas au truc? Comment tu fais quand t'as pas la place chez toi bah, pour tu jouer mets ta avec meuf à quatre pattes. Et non mais voilà, le truc c'est que une fois de plus, ça a l'air juste d'être en fait bah, malheureusement un petit exploitage de licence pour lancer les HoloLens justement. Le public derrière qui est visé est pas du tout celui qui demandait à ce que Conquer revienne au final. Et voilà, du coup, je suis un peu déçu. La prochaine fois, ce serait peut-être mieux de faire une nouvelle licence. Plutôt que de prendre une licence qui est très demandée par des gens qui ont beaucoup aimé l'opus où c'était plein de gros mots, etc. et plein de violence, plutôt que d'en faire un pour jeunes alors qu'ils en ont rien à faire, quoi. Bah ouais. Ils savent même pas qui c'est le perso. Voilà. Tiens, il y a Moumout sur le chat qui est en train de compter le nombre de faux. Je me touche la nouille, en fait. Okay. Aïe, aïe, aïe. Et puis tiens, moi je vais enchaîner avec un truc qui a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui m'a fait rire. Dans les années 75, dans les années, ouais, 75-76, ouais. Il y a un mec qui a fait fortune avec un pet rock. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pet rock? Qu'est-ce non, que c'est ça du tout. En fait, le mec a eu une idée de génie. Il a pris un caillou, un galet, qu'il a acheté dans un magasin de bricolage à côté de chez lui. Et en fait, il y a des photos sur Google. Hein. Vous tapez pet rock, vous allez voir. Et en fait, le mec, il est vendu dans une petite boîte en carton avec des trous dedans, comme si c'était un animal de compagnie. Il était dans un petit nid en paille. Et le mec, il vendait ça 3 dollars et il a fait fortune. Dans la boîte, t'as une laisse pour le promener et t'as un petit manuel avec des tours pour lui apprendre, tu vois. Mais non. Et je te jure, le mec, il est multimilliardaire. Tu sais que le pire, c'est débile. Ça me fait trop penser à un épisode de Bob l'éponge. C'est l'absurde. Une course d'escargot et t'as Patrick qui est complètement con, qui a une pierre en fait et qui comprend pas que c'est un escargot, que c'est pas un escargot. Et ben, c'est un clin d'œil. Au final, c'est lui qui gagne la course en plus. Et dans Bob l'éponge, il y a plein de clins d'œil où il le tient dans sa main. Et c'est souvent, on voit l'image du pet rock avec, c'est un caillou avec deux yeux collés dessus, quoi. Et en gros, le mec, il vendait ça. Et genre, t'as tout un truc sur Wikipédia où il t'explique. Et il dit, bon, alors, le pet rock, vous pouvez l'apprivoiser et tout. Alors, pas bouger, il sait bien le faire. Et genre, il dit, il y a écrit dans le mode d'emploi, genre, pour attaque, il faut l'aide du... il faut l'aide du... il faut le lancer, quoi. Mais ça comme, s'appelle le pet rock. Comme disait Patrick, Pierre qui roule ramasse la course. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il s'y gagne. Et Patrick de Bob l'éponge est toujours un régal. Mais en tout cas, le mec est devenu milliardaire, quoi. Il est mort récemment, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est marrant, ça me fait penser à ce mec aussi qui avait fait un crowdfunding pour une salade de pâtes et qui s'était retrouvé avec des milliers de dollars aussi. C'est beau Internet quand même. C'est beau. Mais plus ça va, plus j'hésite à financer mes vacances. Quand même. Franchement, tu devrais. Carrément. Allez, il nous reste 5 minutes avant de s'écouter Queen. Tiens, vas-y, t'as gazou si tu veux. Moi, c'était juste la deuxième news. Pour rappeler ce qu'il y avait demain sur le PlayStation Store. Ah oui. Pour les abonnés PlayStation Plus, il y a le magnifique Broforce. Alors est-ce que c'est bien ça? Alors aussi c'est moi je trouve que c'est dur quand même. Horrible quand même, c'est un jeu popcorn, ouais. C'est comme j'avais voté pour un autre jeu, bon. Tu le regardes, t'es content, tu vois tout le monde et là c'est un peu pareil. Donc ça va canarder. C'est en coop? Oui, normalement oui. Me c'est un peu un die and retry en fait du coup. Bah, grave. Si t'aimes bien le genre, parce que tu sais, c'est un peu la Metal Slug en plus. Oui. Tu meurs beaucoup, et puis tu changes de perso à chaque fois que tu meurs, tout okay. ça. Et dedans, t'as le mec de Matrix, t'as Machete, t'as tout un tas de. Oh, ça peut être pas mal ça. On va se le faire. Il va sortir quand celui-là? Demain il est gratuit pour les abonnés à PlayStation. T'as une PS4 Raptou? Non, c'est dommage. Ce jeu, je le connais sur PC, il est. Oui, ça fait longtemps, mais là ils ont demandé, en fait, il y avait un concours pour savoir qui. Voilà. On nous dit c'est Sgrog qui nous dit Broforce, un jeu complètement déjanté, je l'ai sur PC, il est mortel. Oui, il est pas mal. Ouais, il est cool. Après, il y a Galak 2, alors je connais pas du tout Galak 2. A priori, ils sont déjà disponibles. Ah oui, ouais, tu vois, il y a l'amical du geek qui l'a déjà téléchargé. Galak 2. Alors c'est celui avec le dauphin en chocolat blanc. Ouais, je pensais à ça en plus. Galak. Non, je crois que c'est Galak Z plutôt, pas 2. Sur PS3, t'as Super Stardust HD et The Last Guy. Il y a encore quelqu'un qui a une PS3. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et alors, Netflix. Sur PS Vita, il y a ma petite pépite. Alors, il y a Flame Over et Reality Fighters. Est-ce que vous avez joué à ce jeu? Oui, carrément. À l'époque de Focal, c'était le jeu de combat. Bah, vas-y. C'est un jeu, à l'égal des nanars sur cinéma. L'idée était pas si mal. C'est un jeu sur PS Vita où c'est de la réalité virtuelle encore. Et la réalité augmentée plutôt, et tu joues des petits combattants et tu peux même mettre ta tête sur les avatars. Et oui. Et ils jouent sur ton canapé et tout. Et on dirait des acteurs des séries Z des années 60 qui jouent sur un fond vert. Mais ça va bien, ouais. Et je vais le télécharger, je le ramènerai. Et franchement, en gros, avec la caméra derrière la Vita, tu filmes le décor. Ouais. Et en gros, les combattants ils sont dessus. Et tu sais que j'ai tapé une angoisse à un moment parce que je l'essayais sur mon canapé. Vous voyez comment c'est fait chez moi. Ouais. Bon, pour ceux qui, tous les viewers, les auditeurs. Pas chez Brice. En gros, pour tous ceux qui sont jamais venus à la maison. Et vous êtes beaucoup. Et en gros, il y a mon canapé. Et en face de moi, il y a un grand mur blanc pour le vidéo proche. Et il y a mon frigo qui est sur la gauche. Et en gros, je jouais comme ça sur le mur blanc. Et en fait, il y a un des personnages qui arrivait de derrière le frigo. Et ça m'a foutu une trouille, mon gars. Mais genre, tu fais. Ah non, voilà. Moi, je trouve que c'est le jeu, tu joues, une demi-heure, mais gratuit. Ah, je vais le prendre. Je vais le reprendre. Ça me fait penser à Lightoy où tu pouvais, pareil, mettre ta tête sur ton personnage. La première chose que j'avais fait, c'est mettre mon cul, quoi. Ah bah, carrément, quoi. Forcément, quoi. C'est le premier truc qui te vient à l'idée, quoi. Carrément. Il y a Xbox One aussi, parce que. Ah bah, vas-y, oui. Sur Xbox One, il faut. La parité. La parité, il y a Sherlock Holmes, que vous aviez testé, Crime and Punishment, et Lord Fallen. Qui est quand même Lord of the Fallen, ouais. Les deux sont quand même assez bons jeux. Ah oui, Lord of the Fallen, je l'ai fait sur PS4. C'est pas comme le PlayStation Plus, ces jeux, vous les avez à vie. En ce moment, en ce moment, c'est vrai que ça tire un peu la patte. Moi, je me suis trop déçu, quoi. Je croyais qu'il y avait gagné de bons jeux sur le PS4. Alors, il y en a eu. Il y en a eu. Ça a quand même permis de découvrir, enfin, pas mal de choses. Il y a eu King Quest de gratos, il y a eu Magica 2. Rocket League. Il y a eu Rocket League. Sur lequel, enfin, c'est le jeu, on a passé tout l'été. Rogue Legacy. Voilà, il y a quand même des bons dos. Soldat Inconnu aussi. Mais j'attends encore, hein, mais pour la, depuis que je l'ai prise à Noël, donc, depuis, il n'y a pas eu grand chose. Bah, le truc, c'est qu'ils vont pas sortir un triple A qui rapporte encore du pognon, quoi. Enfin, ouais. Non, mais même au niveau des jeux indés, au final, ou, enfin, voilà. Déjà, j'étais déçu aussi qu'on puisse pas rejouer au remake HD de Jack and Dexter, qui est que sur PS3, apparemment. Et sur Vita. Ils sont gratuits sur Vita, d'ailleurs, en ce moment. Carrément. Eh ben, il est l'ennemi. On s'écoute le Scud. Ça y est. Et puis, on finira les quelques news après. Restez bien après le disque, parce qu'il y a une petite surprise. Je n'en dis pas plus. Mais voilà, allez les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek, toujours l'émission spéciale Belgique, mesdames, messieurs. L'émission belge. Un peu après 20h, il y a Jackie Concorde qui arrive. Là, juste après, on va parler un petit peu avec Goustique, je vais faire une petite interview spéciale. Il y a Tagazu qui a préparé une petite surprise. Enfin voilà quoi. Ça va être à la fin de l'émission, je te mets une grande baffe. Ça va être du bon dos. Et puis on a chopé aussi les bonbons dégueu. Putain, c'est vrai en fait, je me touche la nouille mais tout le temps. Quoi. C'est un truc Jolly Berry Bimbozo. Voilà, bon, on a chopé la Belgique. C'est la Belgique, ça m'excite. Voilà, on a chopé des bonbons dégueulasses, on va en bouffer un. Bah peut-être juste après le Scud, tiens. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après Queen et Don't Stop Me Now. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time. Shooting star leaping through the sky. écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. C'est ce qui s'appelle un blanc. Ouais, ouais. Ah, attends, le fichier veut pas partir. Je ne sais pas pourquoi, mesdames, messieurs. Ah, attendez, deux secondes. Hop. On est en direct, c'est ça qui est bon, toujours dans la voix du geek sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. Là, je suis en train de chercher la clé USB, en fait. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu veux pas nous dire, Goustic, pourquoi tu t'en vas en Belgique vite fait? Bah, parce que vous me faites Allez, chier. Vas-y. Non, voilà. non, en fait, si je m'en vais en Belgique, c'est parce que je vais faire, de l'animation culturelle dans une maison culturelle. Culturelle, il y a cul. Hein. Il y a Ture. Ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé le fichier. Ok. Vas-y, donc, continue. Je vais faire l'animation culturelle dans une maison de jeunes, donc organiser des événements, que ce soit à l'intérieur de la maison de jeunes et à l'extérieur. Et partout. Et oui, aussi, accessoirement, ça je verrai ça sur le tas. Et du coup, voilà, ça sera des activités sportives, et culturelles. Comment? Tu vas aussi manger des moules. On s'assure. Oui, on les lécher aussi, lécher la coquille aussi, voilà quoi. Et bien gurgiter une bonne bière de Belgique. Tiens, en parlant de Belgique, je suis tombé sur un truc sur le net. Alors, c'est l'historique de la vie sûrement de Gusti. Enfin, j'en sais rien quoi. Truc là. Niglu, the new fragrance of Goustic. La voix du Geek International présente. Bonjour, je m'appelle Goustic. J'avais une vie normale jusqu'au jour où j'ai marché sur un hérisson radioactif. Depuis, tout a changé. J'ai vu au fil des jours mon corps se transformer et je développe des pouvoirs étranges. Je me suis mis à voler du cuivre pour la veuve et l'orphelin et je ne me déplace plus qu'avec ma Niglu mobile. Oh, génial! Gitan City avait besoin de son héros et me voilà. Qui suis-je? Niglu Man. Réveil difficile, stress. Commencez votre journée avec le nouveau Ginette Mac Pro Fusion Power Phantom Turbo Body Wash. Le plus confortable des rasages grâce à ses 30 lames resserrées en carbure de titane. Le meilleur de vous-même, tous les jours. Ginette, la perfection au masculin. Caravane glace répare, caravane glace remplace. Salut, c'est Goustic de Caravane Glace. Comment ça va, mon copain? T'as un impact sur la vie de la caravane après une bonne castagne? Bah, tu nous appelles, et puis nous, on vient avec les collègues, on te répare ça, mon copain. Tu me files un bout de cuivre ou deux, trois hérissons, et ça passe. Grâce à notre résine spéciale en peau de niglou, mon copain, la réparation est presque invisible. Alors n'hésite plus, t'appelles Caravane Glace au 0800 27 92 77 14. Sinon, on est au rond-point de la A16. Caravane Glace remplace. Les éditions Aïe Aïe Aïe présentent revivez l'incroyable voyage du Titanic en construisant la maquette taille réelle du célèbre paquebot. Chaque semaine, grâce à un guide de montage facile à suivre, réalisez votre maquette au détail soigné et apprenez tous les secrets de la navigation en état d'ivresse. Dans le numéro 1, le fascicule, votre notice de montage et la poignée de porte de la salle des machines numéro 12 pour seulement 1,99€. Dès la semaine prochaine, retrouvez la première hélice d'un diamètre de 7,20 m et de 38 tonnes. Et en cadeau, une latte de lambris du pont supérieur pour seulement 19€ chez votre marchand de journaux. Eau de Radio a sélectionné pour vous Volare. Volare, le meilleur de Goustic et l'Égyptie pour enflammer votre été. Oh, mon copain! Génial! Bamboléo! Bamboléa! Volare, pour la première fois, 38 tubes exceptionnels réunis sur un double album. Bamboléo! Bamboléa! Parce que les vidas vont y apprendre dans la caravane, mon copain! Bobby! Boba, quand t'as dit on est que j'ai au ma Volare, le meilleur de Goustic et les gypsies, avec en inédit, sur ma route de Black M. Zombie Boba. Ma route, oui, oui, y a eu du move, oui, dans la caravane du move, oui, ma vie de gitan. Goustic et les gypsies, un artiste à la voix du geek. Aïe. Alors, pas applaudir. Génial. Putain. Ah, putain. C'est le meilleur hommage, vraiment. C'est vrai. Bon, on a fait ça avec Dandy un hier, matin. Hier, ah, je vous aime. Franchement, je vous aime, les gars, tout le monde. Écoute, l'Infernal, tu es un artiste. Voilà. Tu es un génie, je le pense encore, t'es un artiste. Oh oui, mon Dieu. Allez, dans quelques minutes, juste après 20h, il y a Jackie Concorde qui vient nous voir. Mais juste avant, là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la surprise, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois qu'il t'a imité. Il se passe quoi là? Bonsoir. Salut les connasses. Salut les connards. Ouais. Bienvenue dans votre talk du mardi soir. Et ce soir, notre invité Goustique qui vient pour nous parler de son livre Un brushing ma bataille. Bon alors Goustique, tu pars en Belgique là, c'est pour faire le succès? Ah, c'est plutôt pour taper les putes, surtout. Bon, c'est vrai que tu vas écrire pour Camping Car Magazine? Bah, c'est un peu en suspens. Là, je suis sur une collaboration avec Kenji Girac pour son biopic. Mais ouais. Mais tu te renseignes bien, hein, c'est bien. Hein, ouais, tu te renseignes bien, donc. J'ai des équipes. Bon, ton recueil de poésie sur les pulls en laine s'est vendu à plus de 2 exemplaires. Ouais. C'est pas dur de garder la tête froide avec tout cet argent? Bah, ça me fait un pull en plus dans ma garde-robe. C'est quoi ça? Je sais pas. J'espère sincèrement que Goustique ne deviendra jamais célèbre, il n'aura jamais à répondre à des interviews. Non, quoi. Du tout. Bon, voilà, c'est fini. C'était le petit. C'était le truc le plus triste du monde. Alors, okay. L'interview la plus rapide du PAF. C'est ça, exactement. Et puis, tiens, je crois que Tagazu a quelque chose pour toi aussi. Oui, ben moi, c'était. Je voulais juste te lire une petite lettre que j'avais faite. Ah, allez, mignon. La main sur le cœur, mesdames et messieurs. Oh Goustique, si je t'écris cette petite lettre à l'encre rose d'un feutre lâchement piqué à ma fille, c'est pour te dire d'abord merci. Merci à toi l'idole des prépubères castillonnais. Merci à toi le sosie officiel de Sam Smith. Merci. Oui, c'est vrai. Hashtag voilà, save with me. Hashtag, voilà, Sam Smith. Et fan inconditionnel de Maître Gims, tu nous l'as encore démontré la semaine dernière. C'est vrai. Merci pour tes chroniques ciné et comics. Tes exploits vidéoludiques, le seul joueur de Call of Duty Ghost encore en activité, je vous le rappelle. Ton manque d'objectivité quand il s'agit de parler de Batman à la radio. On est d'accord. Merci, on adore. Et surtout, bon, bah, ta naïveté, hein, on va pas rappeler l'épisode de la caravane acoustique du bon non, coin. Non, du tout. Voilà. La quoi? La caravane. Donc voilà, tu vas donc nous quitter et partir dans le plat pays. Mais sache que si je te remplace au sein de la Voix du Geek, dans mon petit cœur de Tagazu et ceux de tous autour de la table, tu resteras à tout jamais notre Goustique national. Vive la Belgique, vive les frites et vive Goustique. Ouais, ouais, vive. Mais je vous aime tous les gars, je vous aime tous. Et je te remets quand même, ça fait un super cadeau, voilà, où un petit peu de culture musicale française. À mon avis, c'est une bouteille de whisky. Tu peux l'ouvrir tout de suite, allez, tu vas voir, c'est magnifique. Ça sent la carte iTunes Store, ça. Alors, c'est un beau paquet cadeau rose. Alors, scotché avec du scotch à carton de déménagement. C'est toujours la classe. Alors, il est en train de l'ouvrir. Il met du temps à l'ouvrir. Ah, mais toujours. Hein. Toujours. Que c'est que deux superbes vinyles. Alors, deux grands artistes qui ont marqué leur époque. Nous avons La Fête au Village, Les Musclés. Et un artiste indépendant qu'on n'écoute plus depuis quelques années, La Gaffe, La Zoubida. Oh, voilà. Joli. Donc, joli, merci. Bravo. Merci. Hey. Merci beaucoup, Tagazu. Tu seras bien accueilli en Belgique grâce à ce superbe vinyle. Alors, attends, parce que ça tombe bien. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Putain, je suis le seul à pas avoir fait de cadeau. Je me doutais. En fait, je me suis dit, connaissant la voix du geek, ils vont lui faire des cadeaux pourris. Il aura rien de cool à amener chez lui. Donc, je me suis dit, je vais quand même lui prendre un truc sérieux. Une PS4. Une télé. Alors, désolé, moi, j'avais pas d'emballage. Hop, attends. Voilà. C'est pour toi, cadeau. Alors, c'est un livre. Alors, le livre des frites de Anne de la Forêt, voilà, traditionnelle tendance, plus de 30 recettes gourmandes, créatives et sucrées. Donc comme ça, tu seras en pleine immersion dans ton nouveau pays. Et d'ailleurs, j'ai une petite colle. Est-ce que vous savez, alors même vous, tous ceux derrière la radio également, ce que c'est une fricadelle mitraillette? Alors attends, il y a Grog qui nous fait les Belges, sont au courant que vous leur envoyez Goustique quand même? Non, justement, ils sont au courant depuis septembre. Non, je te fais la bise poulet. On passera le message à Jackie et puis il leur dira, il arrive. Est-ce que vous savez ce que c'est une fricadelle mitraillette? Non, dis-nous. Personne, pas d'idée? Bah, non, une fricadelle, je vois. C'est quoi une fricadelle? Bah, c'est de la bouffe, non? C'est de la patate dans la purée? Non, c'est pas ça. Non, c'est du fromage avec des frites, non? C'est pas ça. Un peu dans le même genre. En fait, une fricadelle mitraillette, c'est ce qui équivaut en gros en France à un américain. Genre le sandwich avec des frites dedans. D'accord. Voilà. Ah, ok. Genre ils appellent ça une fricadelle mitraillette. D'accord. Eh bien, écoute, j'essaierai de voilà. goûter cette, cette recette. Donc, les Belges et leur imagination débordante. Est-ce que vous voulez qu'on se bouffe un petit bonbon juste comme ça? Ouais. Là ah, ouais. Oui, oui, alors, oui. D'ailleurs, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va piocher, on va lui dire ce qui peut, sur quoi il peut tomber, en fait. Donc, ferme les yeux. Allez, c'est alors Tagazou. Là, c'est Tagazou. En plus, c'est moi qui commence. Attention, alors, attends, ferme les yeux. Attendez. On va rappeler aux auditeurs. Voilà. Là, c'est une émission spéciale. On va pas trop parler de jeux vidéo, à part après 20h. Parce que notre ami Goustique part en Belgique. Voilà. Ça fait un an et demi, deux ans qu'il faisait de la radio avec nous. Il part en Belgique. Et donc, on voulait faire la fête un peu avec lui. Et donc, là, on a récupéré. C'est quoi la marque des bonbons? Alors, ce sont les Jelly Belly Bean Boozle. Voilà. Et donc, en gros, pour les auditeurs, il y a différentes couleurs. Il y en a 8 ou 10 différentes. Ouais, c'est les petits haricots avec un goût bon et un goût dégueulasse. Voilà. Et en fait, pour, par exemple, si on prend le rouge, il y a une chance sur deux pour qu'il soit bon ou dégueulasse. Et donc, ça. Là, on les a dans un saladier. Et ce qu'on va faire, on va tous en prendre un. On va les manger en même temps. Okay, tu veux pas qu'on les fasse tour par tour parce que les réactions peuvent être marrantes. Tu veux pas les chercher la poubelle. On en mange un ou deux? Non, un seul. Alors attends, c'est quoi, fais voir. Dans le studio, si tu veux. Alors il y a Tiliana, tiens, qui vient d'arriver. Tagazou, alors Tagazou, il a pris un beige. Et beige, c'est soit œuf pourri ou popcorn au beurre. Alors là, ça va être marrant. Popcorn au beurre, ça doit être assez dégueu quand même. Ah oui, bah. Alors vas-y. Ah, tout de suite. Ah ben oui. Alors attends. Dis ce que c'est. Popcorn au beurre. C'est œuf pourri. Ah ouais? Ah non, il l'a craché. Oh non, il faut le manger. Il va gerber. Ah, c'est pas possible. Alors attends, la question que la France se pose, est-ce que ça a vraiment le goût d'œuf pourri? Oui, vraiment. Ouais. Parce que quand tu sens les œufs pourris, et ben t'as ce goût là dans la bouche. Dans la bouche. Oh, voilà. Comme les bombes puantes. Exactement, j'ai l'impression d'avoir une bombe puante dans la bouche. Alors, maintenant Goustique, ferme les yeux. Tourner la poubelle. Ah, alors tiens, il y a une réaction. Il y a le téléphone qui sonne en régie. Attends, si c'est un auditeur, on va pas avoir le temps de décrocher. Il y a Grog qui nous dit ça ferait presque penser aux bonbons de Harry Potter. Est-ce qu'il y a pas un lien? Si, c'est le même délire en fait. C'est parti crochu. Alors attention, Goustique, là, il en a un. C'est soit goût pêche, soit goût vomi. Oh là là, oh, c'est violent. Attention. Oh putain, c'est vomi. C'est goût vomi. C'est vrai. Il va rester que les bons, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment pêche? Tu le manges? C'est bon? Il le déguste. Là, t'as la poubelle, là. Ah, tu peux pas, hein. Oh, putain. Moi, j'ai jamais ravalé mon vomi, mais je vais le faire pour la radio. Ça suce ou ça se croque? Ça, c'est dégueulasse. Voilà. Ah, ouais, bravo. Bon. Voilà. Bravo. Alors maintenant, Aiki. Mais ferme les yeux. Ça a vraiment le goût du vomi. Vraiment. C'est vrai? Ah oui, oui. Vas-y. Goustique, fais-lui faire. Regarde pas. Ça fait quoi, 4 ans? Non, tu pioches dedans. Ah ouais, ok. 4 ans que je subis vos conneries. Alors, c'est quoi? Quelle couleur? Rose avec des oh points putain, bleus. Le pauvre. Alors ça, c'est, et il y en a qu'un seul comme ça. C'est soit tutti frutti, soit chaussette puante. Ah yes, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vu la choune que t'as à chaque fois. Allez. Putain de merde. Il va tomber sur tutti frutti, je suis sûr. Attention, suspense. Non, ça va. Oh putain. Oh, attends, t'as de la chance, quoi. Oh, je suis dégueulasse. Ah, le retour. Ah, chaussette alors, puante. C'était quoi, chaussette puante? Ah, bah ouais. Mais en fait, au début, ça avait l'air d'être tutti frutti, puis je me suis aperçu que non, c'était chaussette. Et ça a vraiment goût de l'odeur de la chaussette qui pue? Je sais pas, c'est dégueulasse. Oh, ça a le goût de gymnase. Allez, rate tout. Rate tout. Si c'est puis, un blanc, je m'en piocherai. Après, il faudra quelqu'un pour m'emmener le saladier, du coup. Je m'en occuperai. C'est un quoi? Allez. C'est un espèce de marron, non? Alors ça c'est nourriture pour chien ou pudding au chocolat? Bon, nourriture pour chien, ça passe. Ça va. À la Mad Max, quoi. Ok. Allez, alors, très joyeux. Ah, c'est pas bon. Bon, putain, et personne n'a de chance au sort, quoi. 100%. Je te rassure, j'ai eu le vomi, hein, donc. Ouais, bon, les gars, moi je vais piocher aussi. Alors faites-le moi faire. Si c'est un blanc, on repioche, hein. Non, c'était pas pudding. Ah bon ben. Voilà. C'est John qui essaye d'appeler. Au pire poulet. Attends deux secondes. Je nourriture te dirai, pour chien ou pudding au chocolat aussi. Top à la vachette. Alors attention. C'est quoi? Alors nourriture pour chien, le même. Et avant qu'on s'écoute le disque, va falloir que quelqu'un vienne avec moi. On va se faire un petit karaoké quand même. Oh, c'est dégueulasse. Avant 20h. Eh ben viens. Bah, c'est... Tiens, mais en même temps, prends le saladier, Max. T'as la même chose que moi. Ah attends non. Alors toi t'as le pudding. Pudding au chocolat. Wouh. Je sais même pas quel goût ça a le pudding. Ah putain c'est. Bah là je le découvre. D'accord. Non, au début, c'est ça avait un arrière-goût de vieille viande. C'est ouais, chanceux. Mais moi, c'est moi, j'ai alors, à moins que peut-être j'aime la nourriture pour chien sans le savoir. Hein, mais... Alors, attends, moi, j'ai le saladier là. Je vais le montrer pour ceux qui nous suivent sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek avec un E. Je vais le montrer à la caméra. Donc c'est le saladier. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Il y en a des verts, des oranges, des roses, des bleus, des blancs. Il y en a beaucoup des blancs. Potentiellement, ouais, bah, ça va être un blanc. Ils sont pas hyper méchants. Les blancs. Alors il y en a un seul qui est tout seul, le pauvre. Il est. Ben oui, mais bon. On dirait un vrai haricot rouge. Celui-là, ça va être tutti frutti vu que l'autre c'était chaussette puante. Bon, bah, je prends un blanc, c'est goût sperme ou goût noix de coco. Ouais, cool. Tu vas voir, c'est cool. Hein. C'est goût sperme des îles. Oui. Ah, attention. Alors il est quelle couleur? Je pense. Il est blanc. Ben blanc, c'est lingette de bébé ou noix de coco. Alors lingette de bébé avant ou après utilisation? Voilà, bon, lingette de bébé, ça va. C'est pas dégueulasse, hein. Ça va t'entraîner. Il faut t'entraîner, ouais. Ça va juste avoir goût de crème, quoi. Alors. Crème Nivea? Ouais. C'était ou quoi? Noix de coco ou, lingette. Je crois que c'est noix de caca. Non, c'est noix de coco, ouais. J'en prends un autre. Mince. T'as de la chance. Ouais, vas-y. Ouais, pareil. Hein. C'est un verre. Alors, verre, c'est gazon tondu ou citron. Putain, on dirait le nom d'un porno, quoi. Gazon tondu. Gazon, ça doit pas être, ça va. Ouais? Je pense. Alors, c'est parti. C'est très radiophonique, hein. Ah, toujours. Toujours dans ton magique. Ah, c'est gazon. Eh ben, tu sais quoi, et j'aime bien. Ah, ben voilà. Ouais, ça m'étonne pas que t'aimes le gazon. Ouais, j'aime bien, gazon, ça passe. Voilà, ouais, il aime bien le gazon. Oh, non, c'est pas vrai. Peut-être à la fin de l'émission. Ben, ramène le truc ici, on va en manger un peu. Ben, le truc, c'est que vous êtes loin. Ben, y a Iggy. Ouais, mais on va faire un karaoké vite. Ah, d'accord. Ben, ok. Oui, yes. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors attends, parce que il y en a. Tu serais capitaine. Allez, on va se faire celle-là. Bah de toute façon, c'est un karaoké, il y a forcément les sous-titres. La t'inquiète, c'est écrit. J'ai encore rêvé d'elle, mesdames, messieurs. Puis juste après, on s'écoute à 20h Nelly Furtado, tiens. Puis après, il y a Jackie Concorde qui vient nous voir. Oula, oula. Grand moment, attention. Je sens que ça va être... Tu fais le garçon. Ok. C'est dur quand tu connais pas la musique, hein, t'es au courant. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Quel rythme. Elle n'est pas vraiment belle. Oh non. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Ah mais zut, en fait, il faut chanter tout. Ben oui. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Oh, c'est super dur, hein. J'ai rêvé si fort. On dirait Grand Corps Malade qui chante. Que les draps s'en souviennent. Tu veux que je chante encore malade? Oui. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. On dirait Alain Delon là. Bercé par ses je t'aime. C'est chaud. Oh mon infernal, si je pouvais me réveiller. Oh l'infernal, si je pouvais me réveiller à ses côtés. Ça y est presque. Il va y avoir la voix de la meuf bientôt. Si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. On n'est pas prêt pour le prime de samedi. Hein. Non, pas du tout, je connais pas la musique. Personne alors je va discours. Se retourner samedi. This is the voice. Prêtez-moi un soir, une nuit, juste pour elle et moi. Oh putain, comment il va sacrer la chanson. C'est clair. Je la connais pas. Et demain matin, bah elle s'en ira. Parce que je veux pas que tu restes trop longtemps non plus. Ah ben elle est longue hein la chanson. Attention. Et attention, les aigus. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai rêvé aussi. Ah ouais, attends. On dirait une charcutière. En bleu. Ah oui. Je n'ai rien fait j'ai pour mal ça. Dormi. Elle n'est pas vraiment belle. Un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur. Désolé pour les auditeurs. Juste pour mon cœur. Oh, ce crooner. Michael Bublé, quoi. Si je pouvais me réveiller. Ah, mais en fait, y'a que moi qui chante, en vrai. Tu m'as lousé. À ses côtés. Tu ne dors pas. Si je savais où la trouver. Oh mon Dieu, je le massacre. J'entends pas la musique derrière, en plus. Regarde-moi. T'es censé dire que t'es à moi, là. Je suis à toi. Prêtez-moi un soir. Bah, super karaoké. Génial. Bravo. Non, c'était pour lui, je l'avais dit. Bravo. On est passé à deux viewers. Ah, alors le seul viewer qui nous reste, c'est la voix du geek. Allez, on arrête le massacre. Moi, je suis connecté avec mon téléphone. On arrête le massacre. Bon, bah voilà, on en refera un autre après avec Tagazou. Tiens, il a pas chanté. Oh là là. Je vois bien un featuring Tagazou rap tout, tu vois. Oh. Oh là là. Mais sur quelle chanson, je sais pas. Ah, on verra, on verra. Il y en a plein. Je chante pas, moi. Vu que c'est une spéciale Belgique, Je voulais qu'on parle un petit peu rapidement là avant de s'écouter le Scud avant 20h. Et il repart, il referme pas la porte, hein, ce con. Hein. Ah, comme toujours. Ramène les bonbons. Et il a oublié les bonbons. Et les bonbons. Allez, genre hein point. Non, mais quel gosse. Petit con. Il est vert kaki. Crotte de nez ou poire juteuse. Ah putain. Pas de chance, crotte de nez. Ça va être crotte de nez. Poire. Ah, putain, mais il a de la chance. Ça, il a pas eu comme Dumbledore, quoi. Putain. Ouais, mais la poire est dégueu aussi, hein. Moi je veux faire un karaoké de goustique sur si j'étais un homme. Ah, c'est vraiment, on l'a préparé presque. C'est si vrai. Ouais, ouais, si et pendant le Scud, je vais la chercher. Ok, pas de souci. Donc voilà, je voulais qu'on parle un petit peu des studios belges et des jeux qui se passent en Belgique parce qu'il y en a. Ah. Il y a un jeu. Alors attendez, il faut que je retrouve la fiche. Il y a des jeux assez connus qui sont sortis et qui sont faits par des studios belges. Il y a Divinity, par exemple. Il y a Original Sin qui a été fait en version PS4 récemment. Il y a attendez. Et il y a surtout David Douillet Judo. Oh. Ah oui, enfin, mais, on va parler de bons jeux. Dans la c'était pas sur Play 2 ça, David Douillet Judo? Si, c'était sur PS2 et le studio oui. S'appelle Tentacles Studio Belgium. C'est-à-dire que les mecs, ils l'ont appelé David Douillet Judo. Oui. Genre ils se sont dit, on a Dev Mera vélo, etc. Du coup, on va faire David Douillet Judo. C'est ça. Putain, oui. Ils sont forcés belges quand même. T'as vu ça? Il y a eu des jeux de danse, un bon paquet. Il y a eu une adaptation de Troll de Troie, La Cité de la Mort Rose, en 2007. Ah ça c'est cool. C'est Mindscape, le studio. Vous voyez qu'on va apprendre des choses. Et il y a surtout un studio, moi, qui m'importe beaucoup. C'est Microïd. Microïd qui font des jeux d'aventure, et entre autres les jeux d'aventure de Benoît Sokal. Donc on a La Mer Zone, qui est le premier classique de Benoît Sokal, qui est un ersatz de Myst, un peu dans l'idée, sauf que c'est écrit par Monsieur Benoît Sokal, qui est un belge auteur de bande dessinée, à qui on doit aussi, juste après, Siberia. Le troisième opus arrive cet été, normalement, sur PS4. Franchement, je suis assez impatient. C'est assez dur. Si vous connaissez pas Siberia, je vous invite vraiment à aller... Enfin, l'essayer, quoi, parce que c'est vraiment terrible. Alors, je vois qu'il y a plein de messages qui défilent. Attendez, parce qu'alors là... D'avant, je m'excuse hein, pour le karaoké qu'on vient de faire. C'est dur hein, quand on connaît pas la musique et qu'il y a juste les lettres qui se remplissent. Quand même. Apparemment, on réclame... Ton public goustique réclame oui. Du Johnny. Hein. Ah, bah si oui, on peut faire du Johnny. On finira sur ça. Le seul concert où le public amène des briquets pour se brûler les tympans, on nous dit. il y a Taliana qui dit « Le chat est parti en dépression ». Il s'arrête, j'étais sur le point de me pendre. Ok. Moi, je viens d'avoir une lingette de bébé dans la bouche, c'est pas désagréable. Et Goustic, là, il a envie de vomir. C'est quoi? Attends, dentifrice. Non, ouais, dentifrice. Non, j'ai pas eu dentifrice. Ah, le bleu, c'est dentifrice ou une baie? Baie bleue. Bah, elle était pas fraîche alors, du coup. Non, mais il y a vraiment des bons dragées là-dedans ou c'est... Oui, oui, oui, ouais. Ok. Alors, ensuite, pour revenir un petit peu, il y a eu Saint-Rose the Third. Et pourquoi Saint-Rose the Third? Il a pourquoi une particularité, il a un point commun avec la Belgique, ce jeu. Il est nul. Ouais. Non, désolé à tous nos amis belges, rigolez. Alors essayez de chercher un peu, tiens, on a un peu de temps là. Quel est le point commun entre la Belgique? Il y a des moules dedans. Il n'y a pas des moules. Il y a des moules. Des frites. Il n'y a pas des frites. Celui où il y avait l'actrice Thera Patrick, l'actrice. Il n'y a pas Thera Patrick. Pas d'actrice. Elle est pas belge du tout. Il y a Benoît Poulvord. Non. En skin. Non. Et non, la particularité, c'est que le personnage n'est pas français, mais il est belge. Ah bon? Ah. Le personnage principal. Bah, on sait ça d'où. De Saint-Rose. J'y ai joué et ils le disent pas qu'il est belge, gars. Et bah, a priori. Après. Et bah, tu vois, un. C'est ça de switcher les cinématiques. En fait, c'est dit partout dans le monde, sauf en France, parce qu'il voulait pas, tu vois, Voilà. En fait, t'as Philippe Lorraine, donc le réalisateur du jeu, qui dit, il n'est pas français, il insiste beaucoup. Tout comme ses deux gardes du corps, les sœurs Viola et Kiki De Winter. Wow. Toi, c'est des Belges. Et ensuite, on a eu un jeu d'aventure, mesdames, messieurs, qui se passe dans Liège. C'est vrai? Oui, carrément. Alors, il y a un petit truc, c'est un tactical RPG. Annoncé depuis un certain temps, l'aventure se déroulera dans le royaume de Liège. Le titre est un peu déroutant, sachant que Liège a quand même été une principauté épiscopale. Ah, tu l'as vu sans épistolaire, savoir. Alors, que veut dire ce mot? Alors, on va appeler Stéphane Bern. En gros, c'est pas un royaume. On appelle Stéphane Bern. Allez, oui. C'est parti. Oui, bonjour. On s'en loue. Ensuite, les jeux vidéo qui ont eu des rapports avec la Belgique, et ben, il y a Tintin au Tibet et les aventures de Tintin, donc tous les jeux Tintin, évidemment, parce que le personnage est belge. Ensuite, il y a eu le jeu Euro 2000. Et pas que. Il y a eu le jeu Euro 2000. Street Simulator. Et en fait, c'est pourquoi Euro 2000 est un rapport? Parce que l'euro était en Belgique. Exactement. Et aux Pays-Bas. Il était dans le plat pays. France-Italie. Ensuite, on a eu Coupe du Monde de FIFA 2002. Voilà. Ensuite, il y a eu FIFA 10 parce que, bah, dedans, il y a le stade de Bruxelles. Oui. Et du coup, ils sont obligés de. Mais attends, c'est des jeux où il y a un rapport avec la Belgique. C'est ça. Ah d'accord, moi je croyais que c'était des jeux qui étaient faits en Belgique. Du coup, En fait, il y a très très peu de studios belges. D'accord, ok. Il y a Microïd, et ensuite on a eu Company of Ferro. Certes, la plupart des studios belges se situent en Flandre, mais entre le Grand Prix de Francorchamps et la bataille des Ardennes, c'est la Wallonie qui sert le plus souvent de théâtre d'action dans les jeux vidéo. D'accord. C'est passionnant. J'irai faire un petit tour. En Wallonie. Eh ben, on a appris des choses juste avant de s'écouter Nelly Furtado, putain d'enculé de français. Ah, putain, y a Jackie Concorde qui arrive juste après le disque, ça va chier. Ouais, Jackie Concorde. Scooter, ouais. Ah ouais, Jackie Concorde, c'est un pote à nous, il vous fait découvrir, parce que oui, les Belges, ils parlent pas comme les Français. Eux, les noms de jeux vidéo, c'est pas les mêmes que chez nous. C'est vrai. Eux, ils jouent pas à Need for Speed. Ils jouent à Besoin de Vitesse. Besoin de vitesse pour suite chaude. Besoin de vitesse pour suite chaude. Connard de français. Tu l'imites bien. Je m'en vais à la toilette. Allez, on s'écoute Nelly Furtado et puis on fait ça juste après. Donc voilà, il va vous faire deviner des noms de jeux vidéo, mais en français, comme on l'a dit dans le plat pays. Allez, les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio et nous revient juste après Nelly Furtado et Prometheus featuring Timberland. Oui, exactement. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Am I throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. Are you looking for in the daytime with the light? You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours, what you waiting for? Promiscuous girl, you teasing me, you know what I want, and I got what you need. Promiscuous boy, let's get to the point, cause we all alone, you bet. Roses are red, some diamonds are blue, chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Maybe we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours, what you waiting for? Promiscuous girl, you teasing me, you know what I want, and I got what you need. Promiscuous boy, let's get to the point, cause we all alone, you bet. Don't be mad, don't get me. Don't get mad. It's alright, I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, I'm calling your name, but you're driving me crazy the way you make you that way. Promiscuous girl, I'm not afraid to écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Les micros sont ouverts. Hein. Ah. Ah non, ça c'est crotte de nez. Nick Blue, The New Fragrance of Goustic. La voix du Geek International présente. Bonjour, je m'appelle Goustic. J'avais une vie normale jusqu'au jour où j'ai marché sur un hérisson radioactif. Depuis, tout a changé. J'ai vu au fil des jours mon corps se transformer et je développe des pouvoirs étranges. Je me suis mis à voler du cuivre pour la veuve et l'orphelin et je ne me déplace plus qu'avec ma Nigloo mobile. Gitan City avait besoin de son héros et me voilà. Qui suis-je ? Nigloo Man. Réveil difficile, stress. Commencez votre journée avec le nouveau Ginette Mac Pro Fusion Power Phantom Turbo Body Wash. Le plus confortable des rasages grâce à ses 30 lames resserrées en carbure de titane. Le meilleur de vous-même, tous les jours. Ginette, la perfection au masculin. Caravane glace répare, caravane glace remplace. Salut, c'est Goustic de Caravane Glace. Comment ça va, mon copain? T'as un impact sur la vie de la caravane après une bonne castagne? Eh ben, tu nous appelles, et puis nous, on vient avec les collègues, on te répare ça, mon copain. Tu me files un bout de cuivre ou deux, trois hérissons, et ça passe. Grâce à notre résine spéciale en peau de Nigloo, mon copain, la réparation est presque invisible. Alors n'hésite plus, t'appelles Caravane Glace au 0827 92 77 14. Sinon, on est au rond-point de la A7. Caravane Glace répare, Caravane Glace remplace. Les éditions Aïe Aïe Aïe présentent revivez l'incroyable voyage du Titanic en construisant la maquette taille réelle du célèbre paquebot. Chaque semaine, grâce à un guide de montage facile à suivre, réalisez votre maquette au détail soigné et apprenez tous les secrets de la navigation en état d'ivresse. Dans le numéro 1, le fascicule, votre notice de montage et la poignée de porte de la salle des machines numéro 12 pour seulement 1,99€. Dès la semaine prochaine, retrouvez la première hélice d'un diamètre de 7,20 m et de 38 tonnes. Et en cadeau, une latte de lambris Dupont supérieur pour seulement 19€ chez votre marchand de journaux. Eau de Radio a sélectionné pour vous Volare. Volare, le meilleur de Goustic et les Gypsies pour enflammer votre été. Mon copain. Bamboléo, bamboléa. Volare, pour la première fois, 38 tubes exceptionnels réunis sur un double album. Bamboléo, bamboléa. Porque mi vida voy a aprender dans la caravane. Mon copain. Mon Volare, le meilleur de Goustic et les Gypsies, avec en inédit sur ma route de Black M. Ma route, oui, oui, il y a eu du mot, oui, dans la caravane du mot, oui, ma vie de gitan. Goustic et les Gypsies, un artiste à la voix du geek. Alors attendez, il est en train de se passer quelque chose dans le studio là. Qu'est-ce qui se passe, Dandy? Vas-y. Rien. Non, j'ai bouffé une saloperie là, je suis tombé sur œuf pourri comme ta gazou tout à l'heure, c'est dégueulasse. Le pire, c'est que je l'ai croqué qu'une seconde, le goût est arrivé de suite, et j'ai beau inhaler, enfin, quand je respire, l'odeur elle est dans la bouche et elle part pas, tu vois. C'est dégueulasse! C'est un peu le but. C'est horrible. C'est le haricot c'est le de trop, là. C'est le haricot de trop, là. Ah putain, c'est horrible. Bon allez. Il va être l'heure, je crois que je l'entends marcher. Je l'entends marcher dans le couloir. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive. Qu'est-ce qui t'arrive, Goustic? Alors pour ceux qui nous rejoignent, il y en a plein sur le chat qui font « C'est quoi ça ?» C'est une émission de radio, hein, on est en direct à la radio, vous inquiétez pas. Tout est normal. Il est où le strip de Call of Duty là? Il est où là? Tout est calculé. Nous maîtrisons les horizontales, les verticales, ainsi que tous les sons qui sortent de nos bouches. Ah voilà, il arrive. Ah. C'est bien parce que les mecs du stream, ils vont le voir en plus. Ça va-t-il les Français d'enculé? Oh, Jackie! Bah alors, soit disant qu'il y en a un qui va venir nous polluer notre beau pays là. Comment il s'appelle cet enculé là? Il s'appelle Goustic. Ah putain, en plus c'est le plus moche. Salut à toi. Ah alors, il y a John qui nous appelle encore sur le téléphone, il a pas compris. Hein. Je lui avais dit à 20h20, il appelle à 20h90. Hein. Non. Rappelle à 20h20 mon poulet si tu veux passer à l'antenne. Hein. Bon, vous êtes prêts à ce que je vous fasse découvrir des noms de jeux vidéo? Ah, ouais. Comme oui. Nous on l'est dit dans notre beau pays de... pas comme le vote d'enculé, là. Oh, oh, la Jackie. Calme-toi. MC Concorde. Ah, je suis pas content, là, parce que j'ai crevé 8 fois avec mon scooter depuis Namur, là. C'est un scandale. Vos stations-service, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment un putain. Excessivement énervant. Ah, c'est dégueulasse. Hein. En plus, il y avait des prostituées sur la route, il a fallu que je m'arrête encore. Parce que Jackie, il faut qu'il vidange aussi, hein. Eh oui, parce qu'avec mon beau-frère, nous, on joue beaucoup aux jeux vidéo aussi en Belgique, hein. Bah oui, parce que Goustic, faut que tu t'entraînes quand t'arrives, parce que nous, on joue beaucoup à Chante Étoile. On joue à Chante Étoile, mon pote. SingStar. Ouah, bande d'enculés. Vous êtes des tricheurs, je le savais, de toute façon. Je m'en vais à la toilette. On te connaît, Jackie, on commence à te connaître. Google Translate Belgium, la gueule. Bon, bah, si tu veux pas jouer à ça, on va jouer à autre chose, alors, hein. C'est une espèce de tricheur. Parce que nous, sinon, on aime bien les jeux dans ce style-là. On joue pas mal à Champion de la Cicorde aussi. On aime bien ça. Ça, c'est super. On joue à ça. Champion de la Cicorde. Et oui. Nous, le jeu, il s'appelle comme ça dans notre beau pays, la Belgique. Alors, tu nous fais pas chier, hein. Six-string. Attends, Champion de la Cicorde. Ça n'existe pas. Attention, nul. De la Cicorde. Réitère ton essai, Rock c'est pas band. Ça. Non, Rock Band. Champion de la Cicorde. C'est pas Rock Band, espèce champion de nulard. Champion de la Cicorde. Espèce de nulard. Guy des nulard. Non, Rock Band, ouais. Ce n'est pas Rock non, Band. Non, c'est pas Rock Band. Toi, par contre, Guitar tu bandes mou, hein, Guitar ce soir. Héros. Ben non, c'est pas Guitar Hero. C'est ça. Mais si. Ah bon? C'est oui, exact. Champion héros. C'est Guitar Hero. Ah oui, d'accord. C'est bien ça, c'est Guitar Hero, tu as gagné. Yeah. Tu as gagné rien. Tu as gagné rien. Parce que Jackie, il a oublié les caleçons JB, les peluches. D'habitude, il vient là tout un tas de cadeaux, les cotillons, mais là, je te dis, le scooter, il s'est fait dépouiller. En plus, il y avait des gitans qui étaient en train de jouer de la guitare, là, avec Goustic et les gypsies, ou je sais pourquoi. Et je suis sûr, ils ont tout dépouillé, mon scooter devant ou de radio. Bon, mon bref. Scooter. Mon scooter. Mon scooter. Bon, alors. Parce qu'on va rester un peu dans ce style, parce que nous, on joue beaucoup, on aime bien la musique, hein. Nous, on a des grandes stars de la musique en Belgique. Hein. Oh, oui, on oui. a, et on en a plein, hein. Johnny Hallyday. T'as Johnny, déjà. On a Johnny. Eh, Johnny. Eh, oui. Tu touches pas à Johnny, toi. Hein. Parce que sinon, Jackie, casse la vitre, il met un coup de melon, il va te faire un pied-bouche après. Ah que non. Parce que nous, sinon aussi, on joue beaucoup à groupe de cailloux. Ah, ça, on aime bien. Groupe de rock cailloux. Band. Rock band. Ouais. Mais espèce d'enculé. Le mec, il t'insulte. On te connaît. Il y a très peu de jeux. Il est un peu nerveux ce soir. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est assez vénère, ouais. Ouais, carrément. Tiens, puis on embrasse. Il y a des suiveurs sur le stream, hein. Il y a des suiveurs. Il y a Crow et Max. J'espère que je dis bien ton nom, espèce d'enculé de français. Hein. Bon, ben on a perdu un follow. Allez, c'est bon, bon, voilà. Ils arrivent sur le chat. Allez, bam. Au revoir. Et il y a aussi Luc Brand, à mon avis, c'est le frère de l'autre, là, Chris Brand, qui a le bras long dans le biscuit chocolaté, là. Oh non, oh, la métaphore. Oh mon dieu. N'importe quoi. Bon, alors. Parce que là, sinon, Goustic, si tu passes à la maison. Déjà, faut que je te présente mes cousines. Oh, oui. Il y en a une, elle est pas loin du Quintal, mon copain. Je m'en doutais. Je pense qu'elle va te plaire, celle-là, hein. Ah oui. Et puis, t'as intérêt à assurer, parce que moi, je filme tout, après, ça part sur l'internet, hein. Eh oui, hein. Ça va. Après, je mets ça sur le site de la fessée, là. Ah, t'as jamais vu mes streams, toi. Ah, bah non, hein. Parce que si tu viens à la maison, on jouera aussi au diable pour épleurer aussi. Ça, nous, on l'aime bien en Belgique. Devil May Cry. Toi, tu vas fermer ta gueule un peu. Je trouve que tu la ramènes trop, hein. T'es en train de tout niquer, là. Attends, essaye de pas répondre trop vite non plus. Faut laisser chercher les copains, hein. J'adore. Parce que sinon, on va jouer aussi. Alors ça, c'est un jeu qu'on aime bien aussi en Belgique. Parce qu'on le fait des fois dans la vraie vie, dans la rue. Parce que je l'ai noté. Parce que sinon, j'oublie après, toi. Comme c'est Belges. Épuisement professionnel. Celui-là, ah bah, tiens. Burnout. Espèce de connard. Bravo. Joli, c'est Burnout, c'est un jeu de voiture, nous on l'aime bien, qu'il faut foncer dans le tas comme ça, là. Et des fois, ça arrive en Belgique, sur l'autoroute, il y en a, ils tracent comme ça, ils passent devant chez Jackie, ils en font boire un coup, ils volent pas. Bon, parce qu'après, sinon on joue à quoi? On joue aussi à un jeu qu'on aime bien aussi en Belgique. Moi, j'y joue avec mon beau-frère, entre 2-3 Ricards. C'est équipement. Attends, parce que Jackie il a pas ses lunettes. C'est équipement de métal solide. Oh, pff. Metal Gear Solid. Ben, oui. Non, ce n'est pas ça. Non, réitère ton essai, ce n'est pas ça. Sérieux? Oui, si, c'est ça. Metal Slug. Ah, okay. Fallait juste un peu de. Le mec super bon en anglais, équipement Slug. Oui, bah ça va, ok. Ah bah non, mais tu te fous toujours de sa gueule, je me permets. Ça va, monsieur. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Eh, Jackie, il est toujours en train de faire chier l'infernal avec l'anglais, là pour une fois il est mauvais, vas-y, hein, fous-toi de sa gueule. Mais toi tu m'emmerdes. Oh, bim. Jackie, punchline. Quoi? Mais moi, tu sais qu'en Belgique je suis hyper connu, c'est moi qui écris les trucs sur les supermarchés. Genre, ça a du goût. C'est Jackie qui écrit ça sur les barquettes et tout, hein. C'est moi qui écris ça en Belgique. Je suis une superstar, pas comme toi là. Tu vas voir. Allez, un petit dernier pour la route. Nous, bon, on joue à Contre Grève. Contre Grève, on l'aime bien celui-là. Contre Grève. Contre Grève. Ah ben là, vous l'avez bien dans le pet. Hein. Contre Grève. Ah Counter... oui. Ouais, Counter ouais. Strike. Ce n'est pas ça. Attends, Contre Grève. Mais si, c'est ça. C'était... Ah. Nous, on appelle ça contre-grave. C'est vrai, pour de vrai? Oui, c'est vrai. Oh là là. Ah, mais tout ce que je vous dis, c'est vrai. La gueule des streams. C'est le vrai nom des jeux vidéo dans notre beau pays, la Belgique. Ah, okay. Pas comme votre pays pourri, là, la France. Ce soir. Un suiveur. C'est oui. On a eu un dessuiveur aussi, juste après. Hein. Bon, allez, on applaudit. Et merci, Jackie. Merci, Jackie. À tout à l'heure, Jackie. On t'aime, Jackie. Bon, Ghostick, je t'attends devant la radio. Et allez tous vous faire enculer. Hein. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il est mignon. Ah, on est pas spéciaux. On est enfin seul, Jackie. Bon, j'espère qu'il reviendra nous voir. Ce ouais, on l'aime bien, mais je vous l'ai dit, il est un peu tendu en ce moment. Je vais me le coltiner pendant un an, moi, putain. Eh oui, carrément. Et ses cousines. Ah ouais, putain. Ouais. Il va nous revenir tout aplati, le pauvre Ghostick. Bon, il en faut, t'inquiète pas. C'est ça. La brave bête. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on finit sur un petit karaoké qui va bien? Ah bah oui. Oh, est-ce qu'il... Oui. Oh, attendez, parce qu'il y a... Il y a Kogu qui vient d'arriver. Dis-nous un petit coucou. Ouais, enfin, il est là depuis 10 minutes. Coucou. Bon, ça va, mon poulet? Ça va. Est-ce que tu veux goûter en direct un bonbon dégueulasse? Il en a déjà mangé. Et oui, mais voilà, comme quoi vous êtes des génies des émissions, tu l'as fait, mais on t'entendait pas. C'était vachement drôle du coup. De toute façon, il disait rien. Non, bah j'ai oui. rien dit. Allez, bah pour la peine, t'en prends 4 d'un coup. Quoi. Allez, hop, 4 d'un coup. Oh là là, le truc dégueulasse. Allez, 4 d'un coup. Et t'avales. Hein. Un de chaque. Et oui, j'ai vu que vous le faisiez pendant qu'on écoutait le truc de Ghostick, mais les auditeurs, voilà. Un rose, un crotte de nez. En plus, il fait ça compliqué, quoi. Ah bah attends. Je vais prendre un lingette de bébé pour nettoyer. Il y a Grog qui nous dit bravo Jackie. Bon, on lui passera le message. De toute façon, il est devant la radio. Il est en train de fumer le cigare à moustache. D'accord. Tiens, John, si tu veux nous appeler, c'est maintenant. Ça y est, il est déjà pris. Attention, je mélange. Oh oui, vas-y. Oh là là. Alors là, est-ce que tu veux que je rappelle Jackie qui vient t'aider à touiller? Avec sa frite. Oh mon dieu, Jackie, Jackie. Oh, il déphase des nourritures pour chien. Le mec a des coronesses, hein. Qui c'est l'enculé qui mange des bonbons sans moi? Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu sens? C'est du pas bon au sucre. Est-ce que... c'est des bonbons. Est-ce que tu veux que je t'aide à mélanger avec ma frite? C'est bon. Non, c'est bon. D'accord. Allez, je m'en vais. Salut les cons. Salut Jackie. Salut Jackie. T'as eu une nourriture pour chien ou pas? Tu l'as senti la pâtée là? Bah, dégueulasse. Là, en même temps. Ouais, je suis ravi de vous retrouver. Oh là là, c'est pas bon. Alors, on m'a parlé d'un Ghostick qui serait chaud à nous chanter. Ah bah alors, attends, c'était... T'avais pas dit Tagazu et Raptou? Ah si. Ah si, Raptou il veut pas. On fait comment? Tagazu, il s'est déjà défilé la semaine dernière. Donnez-leur des chansons qu'ils connaissent. Ouais. Allez, j'ai les Sunlight des Tropiques pour Tagazu. Ah, et avec Raptou. Allez, Raptou pour faire les cœurs. Ben, Raptou, il fait le clavier dessus. Ouais, il fait les lunettes. Il fait la guitare sur Rocksmith. Allez, Raptou. Ouais, ils arrivent de ce côté-là de la cabine. Bon, tu vas nous manquer, Ghostick, quand même. Vous allez me manquer aussi, les poulets. Mais vraiment, c'est vrai que tu pars dans 10 minutes. Je pars, oui, dans 10 minutes. Enfin, après, tout jamais. Oh, mais t'es là, Ghostick, putain. Mais oui, mais non, c'est à ce moment-là. Je croyais que t'étais parti ce matin, moi. Mais non, je suis pas là. Oh merde. Ah putain. Mais tu seras content la semaine prochaine. Alors, calme ta joie, calme ta joie. Mesdames, messieurs. Est-ce que, juste avant qu'il commence, est-ce que Kogu, tu peux être mon nouveau meilleur ami, s'il te plaît? Non. Moi j'aurais dit oui. Dandy, t'es mon second choix, s'il te plaît. Mais va te faire foutre. Même en premier, j'aurais pas dit bon, oui. Bah, c'est la deuxième. Vous faites chier. Attention. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Tiens, on va prendre John en ligne. C'est parti. Allô. Bah, c'est John. J'avais parce qu'il dit deux fois. C'est pas possible. Troisième fois. Oui, John. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, allô, parfait. Oui, comment ça va, c'est bien toi? Allô, nous on l'entend pas ici, on n'a pas le retour. Vous m'entendez? Mais vous l'avez allô pas de ce côté? Si, ah. si, on l'entend. Oui, si, comment si, ça si va, poulet? Oui, ça va et vous? Bah très bien, écoute. Parfait, je vais pas vous prendre trop de temps, je voulais juste faire un petit message donc pour Goustique, hein, puisque c'est sa spéciale. Eh oui. Et pour lui dire qu'il nous a bien fait rigoler et qu'il va bien nous manquer. Ouais. Voilà, j'espère que la Belgique, ça va te plaire, hein. Tu vas pouvoir manger plein de frites, pas trop quand même pour le ventre. Alors, on sait pas trop si c'est un nazi ou si c'est un belge. c'est parce que je viens juste de lire une histoire à ma fille où il y avait un nazi dedans. moi j'entends déjà les Belges faire, on s'y attendait pas, et c'est plutôt une bonne surprise. Ah ouais, carrément. C'était plutôt une bonne surprise. Ça va être ça pendant un an, donc. Mais je te remercie, John. Ça me voilà, fait plaisir. Je te fais plein de gros bisous, caquettes, et j'espère que tu vas bien t'amuser. Bah oui, y a pas de soucis, ne t'inquiète pas. Donc. Voilà, voilà. Allez, gros bisous, mon poulet. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Yes, bon alors, aujourd'hui, non, mais comme John, vous pouvez nous appeler hein, en direct tous les mardis, il n'y a aucun souci, suivant quand on a le temps ou quoi, mais si vous voulez faire une dédicace, que vous voulez, si comme Goustik, vous avez un poil au bout du truc, eh ben vous, vous nous appelez et on en parle. Elle est tellement recyclée cette vanne. Un peu, ouais. Allez, c'est parti, quand même, n'oublions pas le principal, allez. De ce côté de la cabine, nous avons Raptou et Tagazou. Président du TCT. Président du TCT. Ah bah ouais, attends. Sous les sunlight des tropiques, mesdames, messieurs. Alors là, je m'en vais, je les laisse en roue libre dans la régie. J'ai envie de dire à l'aveugle. Président du TCT pour longtemps, hein, à mon avis. Ça va être fini. Wouh, est-ce que vous êtes chaud? La patate, la patate. C'est parti. Eh oui. Raptou représente. Tagazou, c'est parti. Allez, allez. Ouh, Gilbert, si tu m'entends. Ah non, t'es pas mort, excuse-moi. Il te verra pas. Vivre voilà. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été, c'est facile. Ouh, prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau. Oh, le crooner. Qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques. Ça vient en musique. Oh, il fait bien, la vie pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Raptou avec moi, ça fait quelque chose de magique. Vas-y, y'a rien qu'à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. À chapeau. On remercie Raptou pour la ligne de basse. Carrément. On peut s'arrêter là, je pense. On peut s'arrêter là. Attends, on doit en faire un avec Goustik. Ah oui, non, mais on peut s'arrêter là pour la chanson. Pour Tagazou, on s'en arrête. Attends. On peut s'arrêter là dans la vie. Ouais, non, mais on peut s'arrêter là. Allez, on va finir aujourd'hui. Kogou Maza, 1er mars 2016. Alors, il y en a déjà qui gueulent. Alors, il y a Dark Warrior qui fait assez indirect, mais ça lit pas les messages. Eh ben, on fait ce qu'on peut, connard. Les gars, Jackie, n'hésitez pas à nous follow. À nous suivre. Il y a Grog qui nous fait, il y a une invasion dans la régie là, le pauvre infernal, il a réussi à se débarrasser de Jackie, et voilà, il y en a deux qui viennent le remplacer. C'est ses cousins. Ah, et il y a Grog qui dit, il essaye Dark Warrior, mais par moment c'est pas facile, il y a qu'un écran, j'ai surtout que deux yeux, et j'ai surtout 70 boutons. Là actuellement je suis en train d'envoyer une fusée. Ça marche hyper bien pour ça. Ah oui, ouais. Je suis en train actuellement d'envoyer une fusée dans le sud-ouest de la France. Une fusée. Si j'actionne ce bouton rouge, pusher, et qu'en même temps quoi. Je tourne ce potard-là. Oui. Hop, vous allez voir. Adieu à Stafford. Hop, et voilà. Oh. Il y a une fusée qui vient de partir à l'autre bout. Oh. Ah, je vois une petite lumière au fond. C'est saisissant de Raïs. Ouais, qui? C'est chaud, hein. Bon, on va arrêter Hugues d'Olive Puget, là. Allez, allez, venez vous deux, là, nous allez, changer la dernière chanson. La semaine prochaine, l'émission redevient normale. On se fait le test et on se fait une petite rétrospective des jeux Far Cry. Même du film Dove Ball. Oula. Oui, alors, est-ce qu'il est sur Netflix? Je crois que quelqu'un me l'a dit. Alors, j'ai pas vu Far Cry, mais j'ai vu Dead Rising et par contre, c'est pas mal. Ça colle bien au jeu. Ouais. Ouais. Bon, au pire, on verra. On fera une rétrospective, voilà. On parlera de Far Cry et puis, si. ce week-end, il y a la bêta ouverte de d'Uncharted. Ouais. Je vais en parler, mais tu m'as coupé les news. Ah bon, ah bah, censure. Bah, au pire, ils font leur morceau et après, on fait un petit point sur ce qui arrive. C'est celle-là que vous voulez comme chanson, les poulets? Ouais, c'est Diane. Ok, alors attention. Si j'étais un homme. De quoi je me mêle? Ils ont écrit les vannes et tout déjà. Oh là là. Il est chaud, il est chaud, Gusty. Qui fait Diane et qui fait le bateau? Qui tombe à l'eau? Moi, si j'étais un homme, tu l'es pas. Je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. D'une élégance rare et plus fort que l'ébène. La tristesse. Pourquoi ils ont pas pris un morceau qui bouge? Pour les trop mauvais. Temps. Radio Cafard, bonjour. Je t'emmènerai en voyage. Allongez-vous voir dans la les baignoire. Plus beaux pays. Il va y avoir une je te ferai l'amour sur la table. Non, sur la plage. En savourant chaque seconde. Où mon corps engourdi s'enflamme. Et ils l'ont travaillé. Jusqu'à s'endormir dans ta chatte. Je suis femme, et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux. C'est gênant d'assister à ça. Des fleurs pour ton appartement. Des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une PS4. Je suis femme, et quand on est femme, on n'accepte pas ces choses-là. Attention, c'est mon moment. Tu vois, je t'aime comme ça. Que les temps ont changé. Oh, oh, oh. De nos jours, bon. C'est chacun pour soi. Qui a un tabouret et une corde, s'il vous plaît? Ces histoires, d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'était quoi ça, Gusty? Je sais pas. C'est dommage. Un deux titres acheteurs. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Cette chanson est sponsorisée par Smecta. Si les hommes, c'est surtout qu'elle dure 8 ans. N'étaient pas si pressés. C'est ce que j'allais dire, on va pas la faire en entier. Entre maîtresse. Non mais ils sont tellement beaux, ils sont tellement. Si j'étais, c'était mon moment. Voilà, c'était leur moment d'amour avant je qu'ils partent. Je serais romantique. Ouais, mais ces moments-là, ils se vivent. S'offrirait de bons. Oui, mais ils le vivent en live. Allez, salutations. Si tu veux, bravo. Ouais. On peut les applaudir. Grand moment de radio. Mais vachement bien cette maison de retraite. Eh oui, on vient de passer le dernier tube de Diane Tell. Dans un instant, le dernier album de Mozart en exclusivité sur O2. Alors tiens, j'avais pas vu, mais il y a Camille, la femme de Vincent, Hagrid. Ah oui, Hagrid. Non, parce qu'à chaque fois, je l'appelle comme ça, oui. Elle fait gros bisous à vous tous, mais surtout à Goustique, bisous Kékette. Elle fait très souvent le grattage de nouilles infernal, tant que tu trifouilles pas le cul. Bon voilà. Bon bah Goustique, ouais. Mon poulet, ouais. Il va être temps de se dire au revoir. J'avais un petit discours pour lui au fait, que je lui ai écrit. Vas-y. Tu es prête? Alors par contre, fais voir quelle heure il est, on peut déborder un tout petit peu, de 5 minutes. De toute façon, c'est assez rapide. Est-ce que tu veux que je te mette une musique d'ambiance? Une petite musique romantique. Romantique? Ok, ouais, attends, je te trouve ça. Mets du Diane Tell. Vas-y, non, parce que c'est vrai, Goustique, je crois que depuis qu'on se connaît, les gens ont souvent cru qu'on était ensemble, qu'on était gay, ah bon tout simplement. Tiens, bah regarde. Ça, c'est pas très romantique. Non, mais c'est gay, par contre. Oui, c'est pas très romantique. Mais moi, du sad piano. Du piano vous êtes pas ensemble. Ouais, non, mais on n'a pas le temps de chercher la merde, alors. Mon Goustique, oui. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, bon, tu traînais avec un géant qui avait des airs un peu de pédophile et une meuf à gros lolo. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était le premier vagin d'une longue série qu'on allait partager. C'est romantique. C'est vrai. Tu m'as accompagné tout au long de mon lycée. Souviens-toi, stage chez O2 Radio, passé à rien branler de l'été. Souviens-toi, cette baleine avec qui tu as passé un quart d'heure de 3 heures à partir à la pêche à la moule. C'est vrai. Souviens-toi de ces 5 ans de vie, ton Facebook hacké, tes soirées bourrées, ton crâne lustré Et surtout, n'oublie jamais, mon Goustik, à qui tu appartiens. Oh, c'est le beau. Mec, quoi. Mais c'est ouais. Ils ne sont pas ensemble, hein, mais voilà, il y a quand même... N'oublie jamais. La possessivité. Merci, Poulet, merci. Non, en vrai, ouais, c'est, on s'est beaucoup, beaucoup amusé à faire croire à tout le monde qu'on était un petit couple, en fait, et voilà. Oui. Mais ça sonnait bien. Ils se séparent aujourd'hui. Ça sonnait ouais, mais c'est comme un gars et une fille, et à l'arrivée, ils sont vraiment ensemble. Voilà. Sauf que je c'est un gars et un gars, tu vois, et je sais pas, ça a toujours je bien marché. J'ai toujours rêvé d'être Jean du Jardin, mais... Moi, j'ai toujours rêvé d'être Alexandre Lamy, du coup, bah... Ça peut se faire. Une chose en entraînant une autre. Eh oui. On s'est rencontrés. Non, voilà, tu vas me manquer, mon poulet. Mais carrément, que tu retiens de cette année et demie, deux années de radio? Ben des morpions déjà, il a retenu 2-3 MST, 2-3 MST. Vrai, quand on y repense, faudra faire un petit top. Mais on t'a affiché à l'antenne avec une nana que tu t'étais tapé. Oui, c'est vrai. Vrai. On a fait croire que du coup que tu vendais une caravane. Mais c'est attends, vrai on a dû aussi. Faire d'autres trucs encore. Oh, je pense qu'il y a d'autres dossiers, mais honnêtement, pour ces 2 ans que j'ai passé avec vous, mais ça continue quand même, hein, même si je suis loin. Ah oui, oui, bien sûr. Oh, tu sais, loin du yeux, loin non, des yeux, loin en du tout cœur. Cas, non, en tout cas, pour j'allais dire loin du sgeg, loin du cœur, mais j'ai un sexe assez élastique en fait. En tout cas, ces 2 ans ont été juste génial parce que tous les mardis, j'ai toujours le smile de venir ici. Parce que vous êtes un peu ma seconde famille, les gars. Et je... première, bon, on est surtout la plus drôle. Oui, aussi, oui. Je t'embrasse, maman, elle écoute en plus. Et voilà, je tenais juste à vous le dire. Je vous le dis pas souvent, mais je vous aime beaucoup, les gars. Bah, voilà, écoute, nous aussi. Pareil. Tu te souviens quand même, la dernière fois, t'avais fait une vidéo. Goustik était pas encore vraiment dans l'équipe. Oui, bah tu c'est sais, la, tu parlais de ce que t'allais faire avec la voix du geek, tout ça. Et je me souviens, t'arrivais même pas encore à dire son pseudo. Tu oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce c'est vrai. Je te l'avais ramené, je t'ai dit, lui, faut qu'il soit dans l'émission. Et la première émission qu'il a fait avec nous, c'était la dernière de la saison 1. Et la première émission, il a mangé des croquettes pour chat dans du yaourt à la vanille. Oui, c'est vrai. Et dedans, il y avait du gingembre à sushi. Le ton était donné. Et je l'avais mangé entier, quoi. Parce que j'avais dansé. Mange mon geek, mais version la voix du geek. C'était mange mon bip, je crois, ou je sais plus. Non, franchement, c'était des très mon souvenir et je crois que je garderai toujours la photo de l'IDEF avec vous quatre. D'ailleurs, il n'y a pas Kogu et tout dessus, ni ta gaz. Mais de toute façon, cette année, on se le fait tous ensemble. Elle est sur mon frigo, ouais. Cette photo aussi. C'est vrai ? Ouais. Putain, je l'ai perdu, moi. Le gars. Oh, moi, elle est dans ma chambre. Donc, non, bah, doit être quelque part. ZZ, si tu nous écoutes. Non, mais voilà, c'est cool, ouais, carrément. Mais ça fait bizarre. Mais après, en Belgique, il se passe des choses au niveau jeux vidéo. Ouais. Si t'entends des DOS ou quoi, tu un Skype et puis tu nous en parles. Vous inquiétez tu vas pas, faire ouais. Le reporter depuis. Ah ben je vais essayer que la voix du geek se fasse un nom dans la Belgique. Voilà. Alors, en plus là-bas, je crois qu'on a des il y a des émissions comme nous. Je crois qu'il y a la voix du geek une fois. Oui oui. Ouais. Je vais essayer de voir la libre antenne. On sait oui, jamais. Oui carrément. Oui des qu'on des, les embrasse. Qu'on embrasse. Ouais, une émission qu'on a rencontrée sur les streams. Et puis voilà. Mais en tout cas, je vous aime beaucoup les gars. Vraiment. On peut l'applaudir. Allez. Voilà. Bravo. 2 années de bons et loyaux services. Eh oui. Y a Moumoud qui fait Goustik, Goustik, Goustik. C'est même pas un parachute. Et après, doré, t'as Raptou qui fait Stig, Gou, Stig, Gou, Stig, Gou. Oh le toujours. Moi, j'arrive pas du tout à réaliser qu'il est mort, quoi. Enfin, j'ai encore l'impression qu'il attends, est là et c'est qu'on pour pourrait ça que l'entendre. T'as en noir, quoi. L'avion a pas décollé encore. Oh, arrêtez. Oh, en plus, c'est mon premier. C'est la première fois qu'il prend l'avion. Ça me le refait, j'ai l'impression de l'entendre encore. Ouais, moi, ah ouais, non, carrément. J'ai sa voix qui suscite. Je t'oublierai jamais, Goustik, où que tu sois, si tu nous écoutes, je t'aimerai toujours. Oh, en plus, il a jamais dit ça en 2 ans, mon dieu. Bon, la semaine prochaine, retour de l'émission normale. Alors attends, qu'est-ce qu'il se dit? Alors, ah oui, il y a Dark Warrior qui fait, ah, c'est un Belge de Bruxelles. Non, en fait, c'est un membre de l'équipe qui s'en va pendant 1 an en Belgique pour travailler. Ouais. Donc il nous quitte pour 1 an, voilà. Voilà, tu sais tout. Bon, la semaine prochaine, retour à la normale. On se fait le test de Far Cry Primal que moi j'ai adoré. Kogu, je sais pas ce que t'en penses. Ah, moi je suis en train de prendre beaucoup de plaisir dessus. Avec des cailloux. Ah, j'ai trop envie de le faire. La semaine prochaine, on vous fait une émission sauvage. Ben, on dirait. On dirait que de l'eau. C'est marrant parce que l'Infernal n'arrive pas à faire le sauvage sans être super vénère, tu vois. Ah, mais je suis sauvage. I am savage. Bon, en temps, c'est de l'anglais. Quand tu vois comment ça se passe là-bas, ils se disent pas bonjour tranquillement là-bas. Non, un coup de course. C'est clair. Non, carrément. Et puis on va faire une émission sauvage. On va créer une vraie ambiance. Ah, coucou avec les chasseurs et tout. Non, ça va être vu qu'on a plus le salaire de Goustik à verser, on va avoir des cocotiers dedans, des trucs de la plage. Ah, mais en plus sable. De toute façon, c'est une démission, donc il fait une croix sur ses acédiques. Ah ouais. Ah, mais oui, j'ai même pas de parachute doré. D'ailleurs, je vais t'attaquer au prud'homme. Hein, donc voilà, c'est okay, prévu. Ouais. Bon, ouais. Je vais voir ça avec Jackie. Il a le bras long. Y a pas de problème, enculé. Il a le bras long dans la justice. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. C'était une émission un petit peu foutraque, mais c'est ce qu'on voulait aussi. Merci à ceux qui étaient là sur le stream. Moi, demain, je ne suis pas là. Donc, enfin, je suis là, mais je suis de garderie et j'ai ma chérie à garder. Donc, pas de stream pour moi. Demain, la chaîne est ouverte à qui veut. Donc, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir demain, il y a peut-être du stream sur la chaîne, je sais pas. En tout cas, retour des Virennes, jeudi dès 9h. Hein, moi, je fais toujours le 9-14 de La Voix du Geek tous les jours sur Twitch. Twitch.tv/La Voix du Geek avec un E. Et puis, voilà. Puis, ce week-end, il y a la bêta ouverte d'Uncharted 4, le multijoueur, qui est disponible, qui sera streamable. Moi, je suis pas là ce week-end, je suis au Sable d'Olonne. Ça perd l'hypopète. C'est vrai, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Je vais me promener. Non, d'accord. C'est pas vrai, je vais voir de la famille. Ok. Je vais ça y est, ça commence, je vais récupérer des cartons de fringues pour enfants. Enfantail une fois. Allez, poussette. Aller. Non, les Vendéens, ils ont quoi comme accent, les Vendéens? Ils ont pas d'accent. Ils ont pas d'accent. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends, tu craches pas sur la Vendée. Ah non, mais j'aime beaucoup, j'ai du sang vendéen. Et tu sais, tu même. Tu craches pas sur la Vendée, il y a tellement de vent là-bas, ça te revient pas comme ouais. Ça. Quoi. C'est trop ça. Oui, non, j'ai pas du sang vendéen, mais j'ai le cœur vendéen. Oh, c'est beau. Oh, ça fait chaud. On dirait du Claude Nougaro, c'est beau. On pourra. Claude Nougaro, le chanteur des Sables d'Olonne. C'est ça. Un album sur la Vendée, donc. Eh, c'est vrai. Bon, merci, Tagazu. Bah, de rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Carrément. J'ai hâte de faire cette émission de survie. Cette émission sauvage. Après avoir goûté de un bonbon à un pourri. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Oui. Allez, faites-vous une tournée là. Essayez de m'envoyer. Tous les manger. Non, c'est bon. C'est mort. Goustique, un petit vomi avant de partir. Ah tu ouais. Dois tous les bouffer. Vous voulez que je les bouffe tous? Ouais. Allez, il faut qu'on se dépêche. Dans 4 minutes, il y a les acoustiques a juste après là. J'ai okay. Le... Allez, prends tout d'un coup. Oh, le malade. Goustique. Oh, il a tout mis dans la bouche. Comme d'habitude. Il mastique. Comme d'habitude. Et voilà, et là il peut pas, il va vomir. Aval, fais comme d'habitude, aval. C'est tellement radiophonique. Mais quelle est cette émission qui finit par aval. Allez, merci Dandy, ça merci. Ça te fait quoi de te retrouver de le côté du miroir là. Merci Kogu, merci Raptou d'être venu nous voir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Sur Facebook, je sais pas ce qui se passe, on a passé les 1051 quoi. Ça n'arrête pas de monter, merci bravo. À vous. Bravo, on est presque à 800 followers en quelques mois sur Twitch, c'est un truc de ouf. On a fini premier sur PodCloud. Le replay de l'émission sera en ligne dès demain, n'hésitez pas à le partager, à faire tourner. On est sur iTunes, faites-nous tout péter les scores, on vous kiffe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, ça va être sauvage. Et je finirai sur... Ah, il a tout avalé. Oh, la goulue qu'on l'appelle dans le goulue. Bravo. Et je finirai... sur ces phrases, cette magnifique phrase de Jackie Concorde, on va tous vous faire enculer. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne.